Fidèle que Mehana suit nos amis. Alors merci l'Éternel parce qu'on est entré, on est toujours en vie aujourd'hui. We are not just only alive, we still have Jesus. C'est pas seulement qu'on est en vie, mais on a aussi Jésus Christ. Promise us he will not leave us, he will not forsake. Amen. Er hat uns versprochen, dass er uns nicht zurücklässt. Il nous a promis qu'il va pas nous laisser abandonner. So also we promise him we will not leave him, we will not forsake. Amen. Und genauso hat er, haben wir ihm auch versprochen, dass wir ihn nicht verlassen werden. Et c'est comme ça que nous aussi on lui a promis qu'on va pas l'abandonner. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We will continue with our message, which is the signing of spirits. Es geht weiter mit unserer Botschaft, die Geister unterscheiden. On va continuer avec notre message de différencier les esprits, discerner les esprits. Before we continue, the Lord gave me things to also give us, to also give you today. Bevor wir weitermachen, hat der Herr auch noch andere Sachen gegeben. I am going to go into before we continue with the message. Praise the Lord. Avant qu'on puisse y aller, l'Éternel m'a donné quelque chose d'autre de vous donner. Praise the Lord. Alléluia. He said that we are to be grateful that we are in this ministry. Er hat gesagt, wir sollen dankbar sein, dass wir in dieser Gemeinde sein dürfen. Amen. L'Éternel m'a dit de vous dire qu'on doit vraiment être lui remercier qu'on est dans ce ministère ici. Especially those that are listening, believing and acting. Besonders die, die an ihn glauben und die nach ihm handeln. Et surtout ceux qui sont en train de lui croire et de agir selon sa parole, sa volonté. He said we should be grateful because the message here is revelation and not information. Wir sollen dankbar sein, weil die Botschaft hier ist Offenbarung, nicht Information. On doit vraiment être fier que les messages d'ici c'est pas seulement des informations, mais c'est une révélation. The same thing I'm saying now that he gave me to give you now is the same thing Jesus also revealed or told the 70s when they returned. Das ist auch das gleiche, was Jesus denen am 70 gesagt hat, als sie zurückgekommen sind. Parce que la chose qu'il nous révèle ici, c'est la même chose qu'il a dit aux 72 quand ils sont retournés. Praise the Lord. On va le lire à Luc 10. Luc 10. Lucas 10. We read from verse. Praise the Lord. Hallelujah. Luc 10. Lucas 10. We read from verse 20. Lukas 10, Vers 20. Luc 10, verset 20. From verse 20. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, he sent the 70s from verse 17, and the 70 returned. And they were rejoicing. Why? Because of the flesh. Sie haben sich gefreut wegen dem Fleisch. Rappelle-toi ici, les 72 se sont réjouis à cause de la chair. Praise the Lord. Amen. You know, everybody can rejoice because things are good. Jeder kann sich freuen, wenn Dinge gut laufen. Tout le monde est capable de se réjouir quand toutes les histoires sont en train de bien marcher. Amen. Amen. Especially, you know, what this world called good. You know, when things are good, the way we want it, we will rejoice. There's no one that cannot rejoice. Wenn die Dinge gut laufen, so laufen wir, wie es wollen, dann werden wir uns freuen. Aber wird es niemanden geben, der sich nicht freut. Surtout quand les choses sont en train de bien marcher, tout le monde va se réjouir avec nous. But how many people can rejoice because of what you cannot even see at all? Aber wie viele Leute können sich über das freuen, was man nicht sehen kann? Et combien de personnes sont capables à se réjouir à cause des histoires que qu'ils ne peuvent même pas voir dans ce monde? Praise the Lord. Hallelujah. And that's why we need the help of the Holy Spirit to rejoice always. Deswegen brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes, um uns ständig zu freuen. C'est pour cela qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour toujours se réjouir. You know, if you read here, you will see that what gives us joy, the natural man cannot even understand it. Wir können hier sehen, dass das, was uns Freude gibt, der natürliche Mensch kann das gar nicht verstehen. On peut ici on peut voir que ce qui va te donner la joie, l'homme naturel avec sa mentalité ne peut pas le comprendre. Praise the Lord. In verse 17, it said the 70 returned with joy. Let us read from 17. On va lire à partir de verset 17. It says, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. Amen. Mm-hmm. You know, everybody can see it and everybody rejoice. Jeder kann das sehen und sich darüber freuen. Parce qu'ici dit que Seigneur, même les démons se soumettent à nous. Tout le monde est capable de le voir. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why that is not even the true joy. Deswegen ist das nicht mal die wahrhaftige Freude. C'est pour cela, c'est même pas la vraie oui, notre bonheur. Because that joy is not permanent. Weil diese Freude ist nicht beständig. Parce que cette joie c'est pas permanent. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you go to the doctor, you know, if you go to a doctor today and you see it, then the doctor's report is wonderful. You can go next year and it's no longer wonderful. Can you see that your joy will be cut short? Dass alles gut ist und nächstes Jahr gehst wieder zum Arzt und auf einmal sagt er, dass alles ganz anders aussieht und das kann deine Freude auf einmal sehr schnell minimieren. Par exemple, tu peux partir chez le docteur aujourd'hui et il te dit que tout va bien et tu vas te réjouir, mais l'année prochaine le docteur te dit que oui, mais tu as maintenant une maladie ou bien tout va mal. Là, ta joie va partir. Donc la joie de ce monde, c'est vraiment pour un temps court. You know, verse 18, Jesus said, I did not fight Satan, but I saw him when he was cast out. In Vers 18 steht, dass Jesus sagt, ich habe ihn nicht bekämpft persönlich, aber ich habe gesehen, wie er gefallen ist. Dans verset 18, Jésus-Christ lui dit que je n'ai pas combattu le diable personnellement, mais j'ai vu comment il est descendu du ciel. Remember, Jesus did not fight Satan. Erinnert euch, Jesus hat den Satan nicht bekämpft. Rappelle-toi que Jésus-Christ n'a pas combattu le diable. It was Angel Michael. Es war Engel Michael, der ihn bekämpft hat. C'était l'ange Michael qui lui a combattu. Satan is too small for Jesus to fight. Satan ist zu klein für den Teufel, um von ihm bekämpft zu werden. Le diable est trop petit pour être combattu de Jésus-Christ. Jesus said, I was only watching. Jesus hat gesagt, ich habe einfach nur zugeschaut, wie er verprügelt wurde. Jésus Christ, il veut dire ici, quand j'étais en train de voir comment on l'a frappé. I was watching them, I was watching Satan like cinema. Ich habe ihn gesehen und es war wie ein Film. Et Jésus Christ disait, genre, je lui ai vu comment on l'a frappé comme un cinéma, je lui ai regardé comme un film, comment on l'a combattu. And he said unto them, verse 18. Verset 18. I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. And nothing shall by any means hurt you. Amen, amen. He is not a man that should laugh. Est-ce qu'un lutin? Ici, il nous dit ce que quel pouvoir il nous a donné et lui n'est pas un menteur. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, I said in the world you will have tribulation, but before that tribulation, you already have victory. Erinnert euch, er sagt, ihr werdet in der Welt Bedrängnis haben, aber vor dieser Bedrängnis habt ihr schon den Sieg. Il nous a dit que dans ce monde on aura de tribulation, mais avant même d'avoir ces tribulations, on a déjà vaincu. He said, verse 20. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Amen. Verse 21. Verse 21 said, in that hour Jesus rejoiced in spirit. You see that we rejoice also in spirit. Our spirit rejoices. Unser Geist freut sich. Ici on voit que Jésus-Christ a dit d'abord toutefois, verset 20, que toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de que vous avez les esprits, que vous avez chassé les esprits mauvais, mais parce que votre nom est inscrit au nom du ciel. Et Jésus-Christ lui-même, il s'est réjoui dans l'esprit. Et c'est comme ça que nous aussi, on doit se réjouir. It means you can rejoice in the flesh. Ça fait que nous pouvons nous flesh freuen. Ça signifie que tu peux aussi te réjouir, mais dans la chair. Amen. He rejoiced in spirit and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seems good in your sight. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He said, all these are hidden. What I don't reveal to you is hidden. Was ich euch offenbare, ist verborgen. Jésus-Christ dit ici à verset 21 que tout est caché, tout ce que je vous révèle, ce sont des histoires qui sont déjà cachées. The message you receive here is hidden. Botschaft, die hier empfängt, ist verborgen. Tout comme les messages que vous êtes en train de recevoir, et si c'est vraiment caché. You know, Christ's message is hidden. Die Botschaft von Christus ist verborgen. Il a dit ici, je te loue au Père Seigneur du ciel et de la terre parce que tu as caché ces choses aux sagesses, aux sages et aux intelligents. Donc, you see that. Amen. Amen. In verse 21 again, said, in that hour Jesus rejoiced in spirit and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise. It is hidden from them. C'est pour eux verborgen. Donc il a dit que ces histoires ici sont vraiment cachées pour les intelligents. The wise and the prudent. Die Weisen und die Unverständigen. Les intelligents et les sages. And has revealed them unto babes. Those that submit to you. Die Leute, die sich babes, dir hingeben, die Unmündigen, die Kinder. Et je l'ai révélé il a dit que et que les a révélés aux ceux qui sont petits. Donc les petits, ce sont ses enfants à lui. In verse 22, he said, all things are delivered to me of my Father. Verset 22. Amen. Praise the Lord. Amen. Before we go to verse 22. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Learn to thank the Lord Jesus for everything. Dank den Herrn Jesus für alles zu danken. Tu dois remercier l'Éternel. Apprendre à remercier l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour toi. What he is revealing to you here. Was er dir hier offenbart? Is not common. Ist nicht üblich. Parce que tu sais que les messages que l'Éternel est en train de nous révéler ici, c'est pas partout qu'on l'écoute. Praise the Lord. Hallelujah. You hear, you know, Jesus is thanking his Father here because of the revelation. Jesus dankt seinen Vater hier wegen der Offenbarung. Ici, on voit que, à verset 21, on voit que l'Éternel, Jésus-Christ, est en train de remercier son Père pour la révélation qu'il lui donne. That is being revealed to the 70s. Die den 70 offenbart wird. Just like it's being revealed to you today. Genauso wie sie dir offenbart wird heute. Donc on voit que Jésus-Christ remercie son Père parce qu'il a pu révéler le royaume au 72. Tout comme il est en train de... il nous a aussi révélé ça aujourd'hui. You know, it is revelation. You know, it is Christ to believe that what gives you joy should not be doctor's report. Es braucht Offenbarung zu verstehen, dass das, was dir Freude gibt, nicht ein Arztbericht sein soll. Tu as besoin d'une révélation pour comprendre que le résultat du docteur ne doit pas être ta joie. What do you know? It takes revelation from Christ to believe that what gives you joy should not be past or fail. Es braucht Offenbarung von Christus, um zu verstehen, dass das, was dir Freude gibt, nicht bestehen oder nicht bestehen sein darf. Tu dois vraiment avoir la révélation de l'Éternel pour comprendre que tes examens à l'école, c'est pas ça qui doit te donner la joie. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus thanking his Father for them. Because of the revelation he just revealed to them. Jesus dankt seinem Vater wegen der Offenbarung, die ihm gegeben hat. Jésus Christ est en train de remercier, il est vraiment reconnaissant à son père vers son père pour ce qu'il lui a révélé. You know, a lot might even be hungry of the truth, but they cannot get it. Viele sind vielleicht hungrig nach der Wahrheit, aber sie können sie nicht greifen. Il y a beaucoup qui ont faim de la vérité, mais ils ne peuvent pas, sont pas capables de le comprendre. Praise the Lord. Amen. Look at from verse 22. Verset 22. He said, all things are delivered to me of my Father, and no man knoweth who the Son is, but the Father, and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him. Without Jesus, you cannot know the true Father. Ohne Jesus kannst du den wahrhaftigen Vater nicht kennen. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas reconnaître le vrai Père. To know the true Father have to come through revelation. Der wahrhaftigen Vater zu erkennen kann nur durch Offenbarung kommen. Tu peux seulement reconnaître le vrai Père à travers la révélation. To know the true victory, it has to come through revelation. Um wahrhaftig zu kennen, es braucht Offenbarung. Pour reconnaître la vraie victoire, tu as vraiment besoin d'une révélation. Praise the Lord. Look at verse 23. And he turned unto his disciples and said privately, blessed are your eyes, which sees the things that you see. Amen. Praise the Lord. Alleluia. That same thing is for you today. Das Amen. Gleiche ist für dich heute. Jésus-Christ lui a dit, heureux ceux qui voient, ce que vous voyez. Okay. Et la même Lord. Chose qu'il dit ici, c'est pour nous aujourd'hui. Are you getting it, please? And he turned him unto his disciple and said privately, blessed are your eyes, we see the things that you see. For I tell you, verse 24, are we there, please? That kings have desired to see those things which you see and have not seen them. And to hear those things which you hear and have not heard them. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. What you are hearing here, the message. Was ihr hört, die Botschaft. You know, it said you should be grateful. Du sollst dankbar dafür sein. Le message qu'il nous donne ici, c'est qu'il est en train de nous révéler ici. On doit vraiment être reconnaissant. What is being taught here is the mystery of Christ. Was hier gelehrt wird, ist das Geheimnis von Christus. C'est qu'on est en train d'apprendre ici, ce sont les mystères de l'Éternel, de Jésus-Christ. Und das ist nicht üblich. On n'a pas l'habitude à l'écouter. Praise the Lord. Hallelujah. Go to churches today and listen to the message. Geht zu Gemeinden und hör die Botschaft an, das ist nicht üblich. Va dans les églises aujourd'hui, écoute ce qu'ils sont en train de dire, tu vas pas écouter ça, ça c'est vraiment... Amen. So hear that your joy is Christ, that your name is written in heaven, and not that things are working. Zu hören, dass deine Freude Christus ist, und nicht das zu hören, dass Dinge laufen, das ist deine Freude. Dans les églises, est-ce que tu vas vraiment écouter que entendre que ta joie doit être que tu as Jésus-Christ et pas que tes examens ou bien c'est que le docteur dit c'est quelque chose qui te plaît ou pas. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Again, the truth is hidden. Die Wahrheit ist verborgen. Ici, il dit que la vérité est cachée. From the natural world and religious world. Von der natürlichen Welt und der religiösen Welt. C'est caché pour les gens religieux et les gens naturels. And that's why churches they cannot get it today, because it is all about religion. The truth is hidden from the religious world. Die Wahrheit ist verborgen vor der religiösen Welt. Parce que, et c'est pour cela que les églises ne peuvent pas comprendre la vérité aujourd'hui, parce que la vérité est vraiment cachée pour les gens religieux. Amen. Amen. It is being revealed to the heavenly world. Sie wird der himmlischen Welt offenbart. La vérité va seulement être révélée aux gens du ciel, les gens qui sont spirituels. You know, to hear the truth, you have to be in heaven. Um die Wahrheit zu hören, musst du im Himmel sein. Pour écouter la vérité, tu dois être au ciel. The Bible said that things are reserved for us in heaven, not here. Praise the Lord. Das Ding für uns im Himmel aufbewahrt sind, und nicht hier auf Erden. La Bible nous dit que les histoires sont vraiment cachées pour nous aux cieux et pas ici sur terre. Praise On the va Lord. Le lire à 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 4. He said to an inheritance incorruptible and undefiled, and that faded not away, reserved in heaven for you. Things are reserved in heaven for you. Amen. Im Himmel für dich aufbewahrt. Verset 4, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut pas ni se détruire aux cieux. Your joy is in heaven waiting for you. That is why you know you until you see Christ you cannot be you cannot rejoice. Diese Freude ist, I don't know if somebody is getting it. Im Himmel, und deswegen kannst du dich auch nur freuen, wenn dein Fokus auf dem Himmel ist, auf Amen. Christus ist. Notre joie c'est aux cieux, et c'est pour cela on peut seulement se réjouir si notre focalisation, notre concentration est dans le royaume des cieux. Là, tu es capable de te réjouir. If you are here, your joy is fake. Wenn du hier auf Erden wohnst, ist diese Freude verfälscht. Si ta focalisation, bien ta concentration est ici sur Terre, ta joie, ça sera pas la vraie joie, ça sera faux. And that's why the Bible says we are in the world, but not of this world. Deswegen sagt die Welt, sagt Gottes Wort, dass wir auf dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt sind. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans ce monde, mais on ne sommes pas de ce monde. Because things are reserved for us in heaven. Amen. Our victory is in heaven waiting for you. Amen. Amen. Our victory is waiting for us in heaven. And that's why it takes Christ to be in heaven. If you want your joy that no Satan can touch, you better leave there. Genau. Und diese Freude ist, wie gesagt, im Himmel für uns aufbewahrt. Und wir leben im Himmel, nicht indem wir uns das Leben nehmen und dann in den Himmel gehen und da Freude dann haben, sondern wir leben im Himmel, indem wir unseren Fokus auf das Königreich von Jesus Christus haben. So leben wir im Himmel. Et la Bible nous dit que ici, verset 4, on voit que notre joie, tous nos héritages sont préparés au ciel. Mais dans le ciel, ce n'est pas qu'on doit maintenant mourir pour partir au ciel. Au ciel, on y vit déjà ici. On a seulement besoin que notre concentration soit en esprit, qu'on doit vraiment vivre en esprit. Dès que tu es capable de vivre en esprit, là tu es au ciel et là tu peux aussi réjouir de ton héritage. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why you know, just take your eyes away from here. Let him be on Christ Jesus. Und lass du das auf Christus allein liegen. C'est pour cela c'est vraiment important que tu puisses enlever tes yeux et ta concentration sur les histoires de ce monde, mais tu dois mettre ta concentration sur Jésus-Christ lui-même. Take your eyes away from what you don't have. Amen. Or what you have. Amen. Take your eyes away from your marriage. Allow it to be Christ. That is how your marriage works. Amen. Lass du, dass sie auch nicht auf deiner Ehe liegt. Lass du, dass sie auf Christus liegt. Je vous donne un exemple. Faut pas avoir ta concentration sur ton mariage. Avoir ton concentration vers Jésus-Christ. Et tu vas voir que ça va marcher pour toi-même. Parce que toi, tu vois Jésus-Christ et tu ne vois pas le mariage naturel. Remember, John 15 said, "Without me, you can do nothing." Johannes 15 sagt, your marriage cannot work without me. Nothing can work without me. Rappelle-toi, il a dit que sans moi, vous êtes capable à rien faire. Vous pouvez rien faire sans moi. Donc, ton mariage ne peut pas fonctionner si tu n'as pas Jésus-Christ. Ton école, rien peut fonctionner si tu n'as pas Jésus-Christ. Donc, tu dois vraiment voir Jésus-Christ pour que les histoires puissent fonctionner dans ta vie. Et c'est comme ça que tu vis dans le ciel. We're grateful for the message you hear. Sei dankbar für die Botschaft, die du hörst. On doit vraiment être reconnaissant pour le message qu'on est en train d'écouter. You know, Jesus said in Luke 10 again. He said many prophets they desire to hear what you hear, to see what you see. A lot of people today they are still looking for what you hear. They are looking for what you see. What your those message they are looking for, but they cannot get it. Viele suchen nach dieser Botschaft, aber sie können sie nicht bekommen. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher la vérité et ce message ici, mais ils ne sont pas capables à le prendre parce qu'ils sont en train de partir dans des églises religieuses. You know, somebody left Islam and jumped into a religion again, from religion to religion. You know, they don't jump into Christianity, jump into a, I don't know, you get it. You know, you have to be let us be grateful for Jesus. Und es gibt viele, die vielleicht aus einer Religion rauskommen, aus dem Islam rauskommen, aber dann auf einmal wieder gefangen sind in einer anderen Religion, dann im Christentum gefangen sind. Und deswegen sollten wir dankbar sein, dass wir jetzt die Wahrheit haben und dem Königreich Gottes angehörig sind. Il y a beaucoup, on a même connu une personne qui a changé de la religion musulmane chez la religion chrétienne, dans le christianisme, dans la religion chrétienne, donc c'est dans une religion à une autre, mais il n'a pas toujours la vérité. Il est en train de chercher, mais il n'a pas la vérité. C'est pour cela qu'on doit être reconnaissant, parce qu'on a nous sommes dans la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. And also before we start from where we stop on Wednesday, you know, the Lord wants us to know this concerning the signing of the Spirit. Der Herr will, dass wir das hier noch wissen wegen der Unterscheidung der Geister. Et une autre chose, il a l'Éternel veut qu'on puisse comprendre concernant le discernement des esprits. He said, once you discern those spirits, or whatever spirit that is not of Him, and that spirit, you know, you are not to ignore that spirit. Don't ignore it. Wenn du den Geist unterscheiden konntest, dann sollst du diesen Geist nicht ignorieren. Éternel m'a dit que dès que tu es capable de discerner les esprits, dès que tu as discerné tu dois pas ignorer cet esprit que tu viens de discerner maintenant là. You are going to discern the spirit of religion in people's life. But don't ignore that spirit. Du wirst den Geist der Religion in einigen Menschen vielleicht finden, aber du darfst diesen Geist nicht ignorieren. Tu vas trouver l'esprit de la religion, par exemple, dans une personne, mais ça signifie pas que quand tu as discerné, tu laisses comme ça. Non, tu dois aussi agir. Example of the spirit of religion. In John 8, Jesus, he was able to discern the spirit of religion in them. And he did not, ignore. He said, your father is the devil. Als Jesus bei den Pharisäern den Religionsgeist erkannt hat, hat er ihn direkt festgemacht und gesagt, ihr seid Söhne des Satans. Aufgrund dieser, aufgrund der Geisterunterscheidung. Er hat den Geist nicht unterschieden, hat es für sich behalten oder ignoriert, sondern er hat es direkt dann benannt. On voit aussi, quand Jésus-Christ était avec les Pharisäer, quand il a vu qu'ils étaient très religieux, il a directement discerné l'esprit et puis il a agi, il a dit que votre père, c'est le diable. Donc il n'a pas seulement vu que c'est ce sont des mauvaises personnes, mais il a aussi parlé, il les a dit. I was speaking to a Muslim some time ago, 2 weeks ago or so. You know, they were just saying, Muhammad, I said, Satan, I hate you. The wife was there. I said, you are dealing with Satan. And I said, Muhammad is Satan, is just pure Satan. I just pray the Lord to open your eyes. It's not Christ, it's evil. Who died for you? Praise the Lord. And then, you know, I could see the spirit of religion all over him. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. So also, you know, Peter, Jesus discerned the spirit that was speaking through Peter in Matthew 16. That spirit that says, you will not die. Are you getting it? Mm-hmm. But Jesus did not ignore that spirit. He said, get behind me, Satan. Are you getting it? Mm-hmm. beispielsweise ich habe vor ein paar Wochen mit einem Muslim geredet und er hat mir halt versucht, etwas über Mohammed zu erzählen und ich habe dann ganz klar gesagt, dass Mohammed vom Teufel ist und dass nur Jesus Christus der einzig wahrhaftige Weg ist und weil nur er für dich gestorben ist. Und ich habe diesen Geist der Religion nicht einfach nur, ich habe ihn nicht toleriert, ich habe ihn direkt benannt, nachdem ich ihn erkannt habe bei dieser Person und auch bei Jesus, Matthäus 16, wo Petrus zu ihm gesagt hat, du wirst nicht sterben, da hat Jesus auch direkt den Geist, diesen Geist erkannt, der gesprochen hat, dass es nicht der Geist seines Vaters ist, und hat ihn auch verweigert. Par exemple, moi, j'étais 2 ou 3 semaines passées, j'étais dans une famille musulmane, et j'ai dit même à cet homme-là qui me parlait de Mohammed, moi je lui ai dit que Mohammed c'est le diable, je prie que l'Éternel puisse te faire ouvrir les yeux pour voir que c'est que tu es en train de prier, c'est le diable. Donc elle a pu discerner l'esprit, elle a pu directement aussi parler. You know, Jesus never ignored any spirit that speaks through people. Jesus hat die Geister der Leute nicht ignoriert, die Leute gesprochen haben. Jésus-Christ aussi, il n'a jamais ignoré l'esprit qu'il a discerné. He could see the spirit in that man, you know, that my good master, that called Jesus good master in Mark 10. He could see the spirit of the flesh, the spirit of religion in him, you know, but Jesus loved him and revealed the truth to him and telling him that you have the spirit of life. Okay, you know, he revealed the truth so that the lies can get out. Und genauso auch mit dem reichen Jüngling, dass Jesus auch den Geist erkannt hat, der in ihm gewirkt hat und hat ihm auch deswegen dann dieses Ultimatum gestellt, damit er von selber erkennt, dass er noch nicht reif genug für das Königreich ist. Comme tout comme quand Jésus a parlé à l'homme riche qui devrait tout vendre avant de venir avec Jésus-Christ, de partir avec Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a dit la vérité, lui a donné l'opportunité de réaliser lui-même qu'il n'est pas encore prêt à suivre Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Don't ignore the spirit. Ignoriere nicht den Geist. Faut pas ignorer l'esprit. Learn to do something about them. Lerne etwas dagegen zu tun. Apprendre à faire quelque chose contre l'esprit. Again, you remember in John 8. Johannes Amen. 8. He told them the truth. Er hat ihnen die concerning Wahrheit gesagt, who their father is. Über die Person, die ihr Vater ist. Il lui a donné, il lui a dit, so rappelle-toi de la Jean 8, Jésus-Christ était capable à dire aux pharisiens que votre père c'est le diable, mais aujourd'hui on a trop peur de dire la vérité. You know, in Mark 16, so Peter, you know, Satan get behind me. You know, that can offend somebody. Mm. But you know, he did not allow the body to distract her, his attention. Er hat gesagt, Satan weiche von mir und er hat es gesagt, ohne eingeschüchtert zu sein oder Mitleid zu haben mit dem Gesicht von Petrus. Quand il a Jésus-Christ a pu dire aussi à Pierre, Satan, arrière moi, Satan, tu vois. Et puis il n'a même pas eu peur ou bien il n'a pas pu être influencé de la face de Pierre pour dire que ah, mais ça c'est mon proche, normalement il ne parle pas comme ça. Non, il a dit les histoires telles qu'elles sont. Praise the Lord. Amen. Also in Mark again, in Mark 10, he Mark did not ignore the spirit of religion in this man's life. Mm. He loved this man and revealed the truth to him. Mm. Und ihm deswegen die Wahrheit offenbart, auch wenn die Wahrheit bitter war. Jésus-Christ était capable de révéler la vérité, même si la vérité était amère. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. That's why sometimes when he tells me to tell people, it's so bitter, it's so hard. Deswegen sagt es mir manchmal. I love these people. I would say to them. Als Botschaft für andere ist manchmal bitter und hart, aber ich liebe diese Leute und deswegen gebe ich ihnen die Wahrheit von Jesus. Quelquefois, ce que l'Éternel me dit ici pour les gens, c'est vraiment amer et c'est vraiment très difficile, c'est dur. Mais moi, j'aime ces personnes-là. C'est pour cela que je dois toujours dire la vérité. Je dois vous dire les histoires comme elles sont. No matter how hard or bitter the truth is, reveal it to them. Egal wie hart und bitter die Wahrheit ist, offenbar sie ihn. Es wird die Lüge verscheuchen. Peu importe comment c'est dur la vérité, tu vois, on doit vraiment apprendre à dire la vérité, même si c'est dur. Comme ça, le diable, les mensonges vont être éloignés, écartés d'eux. You know, they might not like it, but their ears have heard it. And their heart, it is already sown into their heart. Mm. The Holy Spirit have heard it also. Amen, amen. And he will use it. Amen. Der Heilige Geist wird, sie haben das gehört und der Heilige Geist wird es nutzen in ihrem Herzen. Même si les gens l'écoutent et n'aiment pas la vérité que tu as dit, mais le Saint-Esprit, il travaille, vu qu'il sait que si tu as dit la vérité, il va travailler avec cette vérité-là en eux. Also the spirit of flesh. Amen. The spirit of self. The guys from selbst. Même l'esprit de la chair. They don't like me. They hate me. They don't do it. They don't. You know, self. The spirit of self. Das Geist vom Selbst, dieses man mag mich nicht, man kann mich nicht leiden, ich bin immer alleine. L'esprit de soi-même, que oh oui, on m'aime pas, les gens ne veulent pas être avec moi, une histoire comme ça. Once you dictate it in you or in other people's life, reject it and reject it. Wenn du diesen Geist erkennst, in dir oder anderen, sollst du ihn direkt verweigern. Si tu reconnais cet esprit dans toi ou bien dans tes bien-aimés, tu dois vraiment directement le rejeter. Also the spirit of the good of this world. Auch der Geist vom Guten dieser Welt. Sur et aussi l'esprit de bien de ce monde. Some of us are so used to the good of this world. You better hate it. Wir sind so gewöhnt an das Gute dieser Welt. Satan will use it. Wir müssen es verweigern, weil der Teufel wird es gegen uns verwenden. Il y a beaucoup entre nous qui sont derrière le bien de ce monde. Ah, la personne elle est bonne, on doit vraiment beaucoup aider, des histoires comme ça. Ça, le diable va utiliser ça, il va te détruire à travers ça. The spirits of what are they going to say? How will they see me? How will they see the family? How they are bringing them? You know, your mother might tell you, you are bringing down the family. Are you getting it? I'm not after the family, I'm after Christ. Amen. Is somebody getting something here? Ja, und du musst das unterscheiden können und das verweigern können, egal was man dir an den Kopf schmeißt, ob du als Verräter dastehst, ob du als Sündenbock dastehst, ob du als irgendwas dastehst, was diese Welt dich nennt. Du musst es verweigern und dir ganz und diesen Leuten klar machen, dass du dich für Jesus Christus entscheidest und deswegen gegen sie entscheidest. Et même l'esprit de qu'est-ce que les gens vont dire, hein? Ou bien que tu vas détruire la famille à cause de tes décisions, ou bien pourquoi tu es comme ça. Les gens vont beaucoup parler de nous. Il s'agit pas de ce que les gens veulent de nous, ou bien ce qu'ils pensent de nous. Il s'agit de ce que l'Éternel veut de toi. Et si tu es obéissante à ce que lui il dit, il s'agit pas de la famille. You know, especially the spirit of the good of this world. Besonders in the guys. God's children are so used to it. Guys. They don't even want to connect it to Christ. They are so different. They are like they and I. You cannot. Because the good of this world is flesh. That of Christ is spirit. Das Gute dieser Welt ist Fleisch und du kannst es nicht mit dem Guten von Jesus Christus verbinden oder verknüpfen. Das sind beides zwei parallele Linien. Et surtout faire, on doit aussi surtout faire attention avec l'esprit du bien de ce monde, là, parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont vraiment, ils ont une confusion dans leur tête, parce qu'ils veulent toujours le combiner avec la parole de Dieu. Hein, et ça, c'est encore plus grave, parce que ça va, tu seras confus et ça va te détruire. Praise the Lord. Amen. Amen. That of the good of this world. You know, these people, this man have been so good to us. He was good to us. He was there for us. In the past, even now. You can see it. He was good to us. Is that? You don't know Satan. He loves such things. You know, is this man choosing Christ? That should be what you have. Christ should be your motive, your value, your desire. And you know, if they have even been so good to you, your value now is that you bring them to Christ. Amen. That is your goal. That is number one. Du kannst über Personen schwärmen und sagen, dass sie so gut sind, sie waren so nett und freundlich zu uns, so hilfsbereit, sie haben uns immer geholfen und immer für uns da. Aber du musst jetzt den Geist unterscheiden können und dich fragen, okay, sind diese Leute auch gut vor Gott oder nur gut vor Menschen? Und wenn diese Leute nur gut vor Menschen sind, dann musst du diese Leute ganz klar Jesus Christus abgeben und dafür beten, dass sie zu Jesus Christus kommen. Aber du kannst dich nicht mehr für diese Leute entscheiden, weil diese Leute sich nicht für Jesus Christus entscheiden. Surtout dans le bien de ce monde, il y a aussi les gens qui disent que oui, mais cette dame ou bien cet homme a toujours été là pour moi, il m'a beaucoup aidé, il a toujours fait ça, ceci, cela pour moi. Mais ça ne doit pas être la raison laquelle on se décide à marcher avec cette personne-là. On doit se demander vraiment, est-ce que la personne est en train de choisir l'éternel? Et si la personne ne le fait pas, toi, tu aides la personne à venir vers l'éternel. Et si la personne refuse, là, tu dois aussi même t'écarter. Mais il ne s'agit pas toujours d'être là pour une personne parce que la personne a toujours été bien pour toi. Mais il s'agit toujours de est-ce que la personne est capable de décider d'agir selon la vérité, selon la parole de Dieu. Praise the Lord. Amen. Satan is a destroyer. Satan ist ein Zerstörer. Le diable aime bien me détruire. If you take your eyes away from Christ, he will destroy you. No matter how good you are. Wird er dich zerstören, egal wie gut. Et si tu n'as pas tes yeux vers Jésus-Christ, tant que ta concentration vers Jésus-Christ, le diable va te détruire, peu importe comme si tu as un bon cœur ou pas. You know, in 1 Corinthians 13, it says, even you give your body to be burned, it profits you nothing. 1. Korinther 13 sagt, selbst wenn du deinen Körper hergibst, damit er verbrannt wird, nützt es dir nichts. Le 1 Corinthien nous dit aussi que même si tu donnes ton corps pour être vraiment brûlé, pour une bonne raison aussi, ça te sert à rien. You know, in verse 1, he will talk about speaking in tongues. If it is not Christ, you are making a noise. Is it verse 1 or verse 3? Let's go there. First Corinthians. Selbst in 1. Korinther 13, wo über die Liebe Gottes gesprochen wird, wird auch klar gemacht, selbst wenn du in fremden Zungen betest, aber es nicht in Liebe passiert, das ist auch nur Lärm, der nichts bringt, der nichts bedeutet. Même un Corinthien nous dit aussi, parle aussi concernant le parler en langue, même si tu parles en langue. 13:1. Un Corinthien 13:1. Même si tu parles en langue. Mais tu ne parles pas. Même si tu parles en langue pour sans la vérité, tu fais que du bruit. Are you getting it? He said, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass. Or a tinkling cymbal. And you get it. You are just making noise. If your motive, your value, your desire, your focus is not Christ Jesus. Wenn dein Fokus nicht Christus Jesus, machst du einfach nur Lärm. Si tu parles en langue et ta concentration n'est pas en Jésus-Christ, si ta concentration est sur les histoires de ce monde, tu fais juste de bruit. Are you getting it, please? Praise the Lord. Alléluia. There is spirit behind all this fruit. Es gibt Geister hinter all dieser Frucht. The fruit of this Il y a un esprit derrière tous ces fruits. The love of this world, the joy of this world, the peace of this world, they are the fruit of, you know, they are the fruit of this world. We have them in Christ's world. They are the fruit of the Spirit. They come through Christ. But this world have their own. It comes through things. It comes through what mark or good. The victory you are having. Are you getting it? Diese Welt hat auch ihre Frucht und ihre Wurzel liegt in den guten Dingen dieser Welt. Das, was diese Welt als gut bezeichnet. Zum Beispiel, dass der Frieden dieser Welt oder die Freude dieser Welt oder die Ruhe dieser Welt kommt aus den Errungenschaften dieser Welt. Dass wenn es mir finanziell gut gibt, erzeuge ich die Frucht der Freude oder erzeuge ich die Frucht der Ruhe oder des Friedens, weil meine Freude auf etwas Weltlichem hängt. On sait bien que nous aussi, nous, on a les fruits de l'esprit, comme de la joie et tout ce qui est écrit dans la Bible. Mais on doit comprendre aussi que dans ce monde aussi, il y a aussi la joie de ce monde, le bien de ce monde. Ça, ce sont des fruits de ce monde. La racine. Parce que la racine est... Parce que la racine est tous ceux qui sont en train de faire de bien. Praise the Lord. Parce que les fruits sont vraiment liés aux circonstances. There is spirit behind the love of this world. Es gibt einen Geist hinter der Liebe dieser Welt. Il y a toujours un esprit derrière l'amour de ce monde. This world, the joy of this world, the peace of this world. Es gibt einen Geist hinter der Liebe dieser Welt, hinter dem Frieden dieser Welt und der Freude dieser Welt. Il y a un esprit derrière le bien de ce monde, l'amour de ce monde, et le bien de ce monde. The joy of this world. That is why Jesus was able in Luke 10 was able to detect their joy. Mm-hmm. Are you getting it? He detected. You know, he was able to see their joy, discern it, that joy. That what gives them joy is not. It's not of him. Are you when he this remember the 70s? He was able to discern the spirit behind their joy. It's not Christ, it's not me. I'm still saying the same thing. He just cut it short. Continue. Okay, you can talk please now. Okay. Jesus konnte ihren Geist unterscheiden, weil er gesehen hat, dass die Freude, die sie verspürt haben, aus die Wurzel weltlich war. Und deswegen ist eine geistliche Freude, war eine geistliche Freude, die von der Welt herstammt und nicht von Christus herstammt. Jésus-Christ était capable de voir que leur joie, c'était la joie terrestre et pas de l'esprit. Et c'est pour cela, il a dit à Luc 10, il a été capable directement à le détecter et à les reprocher, à dire la vérité, à dire que ça ne doit pas être votre joie. All these, they are all different spirits. All das, sind unterschiedliche Geister. Please don't pity them. Wir sollen kein Mitleid mit ihnen haben. Tous les joies de ce monde, ce sont ça vient des esprits différents et on ne doit pas avoir pitié de ça. Hidden. Il faut vraiment les détester. Amen. Rejoice because your names are written in heaven. You are a son of God. Amen. Nothing can take that away from you. Freue dich, weil du ein Sohn Gottes bist, denn nichts kann dir das wegnehmen. Nur du selbst kannst dir das wegnehmen. Tu dois te réjouir parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Et ça, ça doit être vraiment ta concentration et ta vérité. Et personne ne peut enlever ton nom de ça. Seulement si toi-même, tu l'enlèves. Mais sinon, c'est ça qui doit être ta joie. Et pas que le docteur a dit que tu es en bonne santé ou bien tu es en mauvaise santé. Praise the Lord. Let the sign, you know, it's approved all things. Prüft alles. C'est pour cela que vous devrez avoir l'habitude de discerner tout. You know, Satan is so clever. Yeah, Satan is so clever. Vérifier tout. Amen. On doit vérifier tout parce que le diable est vraiment très rusé. You know, Jesus, he knew how Satan, he knew how clever Satan is. Jesus weiß, wie clever der Satan ist. L'Éternel, Jésus-Christ, il sait comment le diable est rusé. You know, he said, I send you in the midst of wars. He said, be wise like serpent. Er sagt, ich schicke euch in ein Wolfsrudel sozusagen. He's not talking about snakes, he's talking about Satan. Ihr sollt weise sein wie die Schlange. Quand ici Jésus-Christ nous disait qu'on doit être, qu'il va nous envoyer au milieu des loups, il nous a dit qu'on doit vraiment être sage comme le serpent. Et quand il parle de loup, il parle du diable. Pardon, maman. Prudent pour comme le serpent, merci. Et quand il parle des loups, il parle du diable. C'est pour cela on doit être prudent. Merci, maman. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Design things, please. Unterscheide Dinge, bitte. We are the only one that can prove things. Wir sind die einzigen, die Dinge prüfen können. On doit, nous sommes les personnes qui peuvent vérifier les histoires. C'est pour cela qu'on a vraiment discerné les esprits. We are the only one that can judge things righteously. Wir Go sind to die einzigen, die gerecht richten können. Nous sommes les seules personnes. 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. Praise the Lord. Alléluia. How many people know the truth today? So few. And that's why we tell the truth. You cannot prove anything. Ohne die Wahrheit kannst du nicht unterscheiden. C'est pour cela que c'est vraiment important qu'on puisse connaître la vérité, parce que sans la vérité, on n'est pas capable à discerner les esprits. You have to know what the truth, what Christ called the truth to discern lies. Mm-hmm. Du musst wissen, was Jesus Christus Wahrheit nennt, um die Lüge zu unterscheiden. Tu dois comprendre ce que Jésus Christ appelle la vérité pour reconnaître les mensonges. Are you getting les mensonges. Mm-hmm. Until you know what Christ called the truth, their lies will be their truth for you. Mm-hmm. Sonst will be your werden truth. Ihre Lügen deine Wahrheit sein. Si tu ne comprends pas ce que Jésus Christ appelle après vérité, leur mensonge va devenir aussi ta vérité. Praise the Lord. Amen. Verse 15. 1 Corinthiens 2, verset 15. He said, "But he that is spiritual judgeth all things." You see it? Wer geistig ist, richtet alles. Il a dit ici que celui qui est cet esprit peut juger de tout. He said, "Yet he himself is judge of no man." First, verse 16. For who had known the mind of Christ? That he may instruct him, but we have the mind of Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you have the mind of Christ, you can judge all things. Wenn wir die Gedanken von Jesus haben, die Gesinnung von Christus haben, dann können wir über alles richten. Verset 16. Mm-hmm. Qui donc connaît les pensées du Seigneur et qui pourrait instruire? Nous avons les pensées de Christ. Donc quand tu as les pensées, tu connais les pensées de Christ, là tu es capable à discerner les esprits. You know when somebody tell you, you know, the Bible said don't judge. You say yes. He said you don't judge because you don't know the truth. Mm. Are you getting it? Amen. He said you don't judge because you are of flesh and blood. Yeah. I am of the spirit, so I judge the lies of Satan. Yeah. Und wenn jemand zu dir sagt, aber wir sollen doch nicht richten, sagst ja, du sollst nicht richten, weil du fleischlich bist, aber der Geist soll über alles richten und ich bin geistlich und lasse den Geist durch mich hindurch richten. C'est pour cela quand quelqu'un te dit que oui, il est écrit qu'on ne doit pas juger, toi tu dois dire oui, toi tu ne dois pas juger parce que toi tu connais pas la vérité, mais moi qui connais la vérité, qui vit en esprit, moi je peux juger comme on voit ici dans ce passage. On peut juger parce que tu es en esprit et tu connais les pensées de l'Éternel. It is not Amen. Born again that you are born. It is not because you are born again that you can judge it. Because you surrender to Christ. Amen. And you love the truth. You submit to the Holy Ghost. Amen. And you now have the mind of Christ. Mm. Can you get it? Amen. Then you judge all things. Okay. You are in the position to judge them. Mm. Ich kann über alles richten, nicht weil ich wiedergeboren bin, sondern weil ich mich von den Geist Gottes hingegeben habe und er durch mich richten kann. Und deswegen habe ich die Anweisung, über alles zu richten. Toi, tu ne peux pas, c'est pas qu'on peut juger parce qu'on est né de nouveau ou bien on a un nouvel esprit. On est capable de juger parce qu'on s'est soumis à l'Éternel et lui, il est capable, à travers cette soumission, de travailler et d'agir à travers nous. Et c'est pour cela, il est en train de juger à travers toi. Please learn to judge all things. Amen. Ich richte viel. C'est pour cela que je vous recommande de vraiment apprendre à juger toutes les histoires, beaucoup des histoires dans l'esprit. Moi, je juge tout en esprit. You know, even television, we just watch television. Somebody is praising you, say, Satan hates you. You understand? Immediately, I say, this is evil. You know, you call evil, evil. That is how you keep on growing Christ. Amen. If you see them and ignore them, you will never grow. Wenn du das siehst und ignorierst, wirst du niemals daraus wachsen. Maman dit aussi, par exemple, elle, quand elle regarde la télévision, elle voit des histoires qui sont vraiment mauvaises, non? Elle le regarde, elle dit, diable, je te déteste. Quand elle voit quelqu'un qui est trop fier de lui, par exemple, dit au diable que oui, je te déteste. Et c'est comme ça on doit apprendre aussi à vivre, parce que on est en train de grandir quand tu es capable de t'exercer. Mais si tu ne vois et tu ignores, tu ne discernes l'esprit, mais tu ignores, tu ne dis, tu ne seras pas capable à grandir. Tu dois être vraiment actif. Tu vois quelque chose, même dans la télévision, tu dis ça, c'est pas bien. Tu le dis, ça, même si quand tu continues à regarder, mais tu dois avoir l'habitude à t'exercer. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. I said to them, I said, Satan, you are a liar. I said, this is Satan. This is, you know, they are praising themselves. It's all about them. Mm. I said, where is Christ? Where is Christ? This is Satan. Please stop clapping for evil. Stop admiring evil. Stop. You know, they might be black or white. You know, before this time, my husband and myself, when black people are making it, we are so happy. We clap when they show it on television that black person win in all this Tiger Woods and others. We rejoice and say, yes, black person. But now, when I see that, I say, Satan hates you. This is Satan. This is demon. Where is Christ in your life? My prayer for you is that you are saved. Amen. Are you getting Amen. It? Let us learn to live the life Christ wants us to live. Wir müssen lernen, das Leben zu führen, was Christus für uns hat. Vorher haben mein Ehemann und ich Serena Williams and so that. So sehr gefeiert, wenn schwarze Leute große Jesus. Sachen erreicht haben, wenn schwarze Leute gut im Sport waren oder gut in Geschäften waren und irgendwas Großartiges gemacht haben, Oscars gewonnen haben, Nobelpreise gewonnen haben. Wir waren stolz darauf, weil wir uns als schwarz identifiziert haben und natürlich dann auch dankbar waren, wenn Schwarze große Sachen erreichen. Aber wir sehen in dieser ganzen Argumentation ist so viel Fleisch drin, weil es um dich geht, weil es um deine Hautfarbe geht, weil es um das Fleisch geht und nicht um Christus. Und es geht nicht mehr um deine, es geht um deine fleischliche Identität und nicht um deine geistliche Identität, weil wenn es um deine geistliche Identität gehen würde, dann würdest du dich auch nur mit Leuten identifizieren, die genau diese gleiche Identität haben. Amen. Aber du dich halt nur als dein Fleisch siehst, identifizierst du dich nur mit Leuten, die deinem Fleisch ähnlich sind. Mhm. Na, und da deswegen müssen wir das verweigern und anfangen, wirklich geistlich zu denken, geistlich zu urteilen und uns auch geistlich zu sehen. Dann werden wir auch nicht die gleichen Dinge feiern wie die Welt. Mhm. Es ist teuflisch und dämonisch. Amen. Amen. En fait, maman dit aussi que avant, par exemple, elle et son mari, quand ils regardaient la télévision, ils étaient vraiment satisfaits quand ils voient, par exemple, quelqu'un noir être en train de gagner dans des sports, des histoires comme ça. Il dit quelqu'un... Donc, le noir est toujours... Quand quelqu'un de noir est en train de gagner, là, ils étaient vraiment très fiers. Ils disaient, oui, c'est bien. Finalement, quelqu'un de noir qui a gagné et des histoires comme ça. Et ça, c'était avant. Mais elle dit que c'était mauvais comme ils étaient en train de vivre avant. Parce que maintenant, il s'agit plus de blanc ou noir, il s'agit de Jésus-Christ. Et maintenant, quand ils voient même la même personne qui a encore gagné, ils disent, mais où est Jésus-Christ dans ta vie? Et il s'agit de où est-ce que toi, comment toi, tu te vois? Tu te vois comme une personne noire ou bien tu te vois comme l'enfant de Dieu Jésus-Christ? Parce que si tu vois la peau, tu vas dire que si c'est vraiment charnel, c'est vraiment démoniaque parce que tu es en train de glorifier l'éternel, la chair, le diable. Mais si tu vois l'esprit, tu vas commencer à dire où est Jésus-Christ dans ta vie. Tu auras pitié de ces gens-là parce qu'ils n'ont même pas Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on doit... on doit voir les histoires, on doit vraiment être en esprit parce que c'est seulement à travers l'esprit que tu es capable de ne pas voir la chair et de voir que ton identité est Jésus-Christ et d'agir ainsi. Praise the Lord. Hallelujah. We are to be able to decide where we are. Amen. You know, there, you know, when we just hear about there's someone lawyer, somebody that take gun and kill people, or that somebody drove took a car and drive into people's the market and kill people. My prayer will be, hey, Father, don't allow it to be a black man. Don't allow it to be black man. You understand me? Now, who cares? Mm. Satan is Satan. Mm. It doesn't matter the color. Yeah. Are you getting it? Oder auch früher, wenn wir Nachrichten gehört haben, gesehen haben, es gab wieder einen Amoklauf oder es gab wieder irgendjemanden, der geklaut hat oder gestohlen hat oder irgendwas Krasses, Schlimmes getan hat, haben wir immer gehofft, gebetet, dass es auf keinen Fall jemand Schwarzes ist, weil man nicht wollte, dass schon wieder die Schwarzen in den Dreck gezogen werden oder schlecht gesehen werden oder dass man auch selber damit in Verbindung gebracht wird und dann denkt, dass Leute dann Angst vor einem haben, die einen dann sehen, dass du auch vielleicht einen Amoklauf durchziehst oder auch klaust, weil andere Schwarze klauen. Und das ist ja auch total fleischig. Und heute haben wir ganz klar erkannt, egal ob die Person schwarz, weiß oder grün gestreift ist, es ist der Teufel, der dahinter ist, und deswegen ist es egal, was für eine Hautfarbe dieser Mensch hat. Amen. Avant, par exemple, quand on voyait dans des informations que oui, une personne a est partie cambrioler une place ou bien une banque, des histoires comme ça. Et elle, maman, avant, elle priait, elle dit, j'espère que ce n'est pas quelqu'un de noir, parce que si c'est quelqu'un de noir, et moi, je vais partir demain dans la banque, ils vont commencer à dire que je suis aussi là pour aussi faire, pour cambrioler des histoires comme ça. Et c'est ça qu'elle pensait avant. Et elle dit que ça, c'est démoniaque, ça, c'est charnel, ça, c'est quelque chose de mauvais, parce que toi, qui tu te vois, tu es noir ou bien tu es un enfant de Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, ça ne doit même pas t'intéresser si l'extérieur dit que, oui, peut-être cette femme pourra... Toi, tu es Jésus-Christ. Et ça, c'est la vérité que toi, tu dois connaître. Et c'est comme ça que tu dois te voir. Praise the Lord. Through Christ, you are judges. Durch Jesus Christus sind wir Richter. À travers Jésus-Christ, nous sommes des juges. It's not Tania alone that is a lawyer. We are also lawyers. Nicht nur Tania ist ein Anwalt, sondern wir alle sind Anwälte. Amen. Nous sommes tous des juges. Praise the Lord. He said we are to judge all things. Amen. Because we are qualified to judge all things. Wir sollen über alles richten, wir sind qualifiziert, über alles zu richten. On doit apprendre à tout juger, parce que nous sommes qualifiés pour juger toutes les histoires. À praise travers the Lord. Nous. Amen. Amen. Now we're going to the message. Now we are going to start. To continue. Amen. Amen. Where's the time? Okay. Mittwoch waren wir bei Markus 10. Mercredi, on avait lu Marc 10. From 17 to 22. Amen. 70 bis 22. 10 à 22. Where Jesus told the rich man to give. 17, pardon. To give, to sell all he had and give to the poor. Wo Jesus gesagt hat, er soll alles verkaufen und den Armen geben. Où Jésus-Christ a dit à l'homme riche de tout vendre, de vendre tout et de donner aux pauvres. And you can see that Jesus helps us to know how to be wealthy in his kingdom there. He says so that you will have wealth in the kingdom of heaven. Und Jesus hat uns gezeigt, wie wir Reichtum haben in seinem Königreich. Et à travers ça, Jésus-Christ nous a aussi fait voir comment aussi avoir la richesse dans son royaume. Praise the Lord. Alléluia. And that very place, we are going to compare it to that of Zacchaeus. We start from there today. Okay, amen. Wir werden diese Stelle mit Zacchaeus vergleichen, der auch ein Zöllner war. On va comparer cette place, ce verset biblique avec l'histoire de Zachée qui était un... Oui. You know, the Lord always designed people through their words. Der Herr erkennt Leute durch ihre Worte. Oui, l'Éternel nous connaît à travers nos paroles. He knows your heart through your words. Er kennt dein Herz durch deine Worte. Lui, il connaît ta parole à travers il connaît ton cœur à travers tes paroles. And sometimes he know that what you are saying is not coming from your heart, it's just coming from your lips. Und oft sieht er, he can discern weiß er, everything. Sieht und weiß er, dass das, was du sagst, nicht von deinem Herzen kommt, sondern nur von deinem Mund. Et quelquefois, il sait aussi que ce que tu es en train de dire, ça vient de tes lèvres, ça vient pas de ton cœur. Let us go to Luke 19, that of Zacchaeus, and compare it. You know, let us look at it both together. You know, Mark 10 and Luke 19. Markus 10 und Lukas 19. There are a lot of things for us to learn there. Amen. Amen. Lucas 19. On va lire à Luc 19. From verse 1. Lucas 19, 1. Luc 19, 1. And Jesus entered and passed through Jericho. Verse 2. And behold, there was a man named Zacchaeus. Amen. Which was the chief among the publicans. And he was rich. This is another rich man. Hier ist ein anderer reicher Mann. Ici, on voit qu'un autre, Zachée était un autre homme qui était riche. Are you getting it? Mm. This man was not poor. Dieser Mann war nicht arm. Just like that Martin. You know, that man was not also poor. Mm. These two people, they were rich. Genauso wie der reiche Jüngling. Der reiche Jüngling hatte Geld und hier Zachäus, der Oberzöllner, hatte auch Geld. Ici, Zachée était un collecteur d'impôts et on voit qu'il était riche aussi comme l'autre homme riche qu'on venait de lire. Verset 3. En Marc. And he saw to see Jesus. Verset 3. Who he was and could not for the prayer because he was little in stature. Praise the Lord. He said he was little in his stature. Er war ein kleiner Mann. C'était un homme qui était trop. Il était petit. Amen. Petit. Praise the Lord. Verse 4. And he ran before. Verset 4. And climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Are you getting something here? Verse 5. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at your house. Praise the Lord. No, remember this man, the Jews, they believe he's a sinner. Und ihr müsst euch daran erinnern, dass Zöllner, und besonders Oberzöllner, werden als Sünder gesehen von den Juden. Rappelez-vous que les collecteurs des impôts, surtout leurs chefs, comme Zachée ici, ils étaient comme des pêcheurs avant. On les aimait pas. Pour les juifs. Amen. You know, because of this man, they called Jesus a friend of sinners. Und wegen diesem Mann haben die Leute Jesus einen Freund der Sünder genannt. Et c'est pour cet homme Zachée que les Juifs ont commencé à appeler Jésus-Christ un ami des pécheurs. Excuse me. They say Jesus eats with sinners. Sie sagen, Jesus isst mit Sündern. Et il disait, c'est pour cela qu'ils disaient que oui, Jésus-Christ est en train de manger avec des pécheurs. Verse 6. And he made haste and came down and received him joyfully. Verse 7. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. Are you seeing it there? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Those they call sinners, they are not the people we call sinners. Die Leute, die sie Sünder nennen, nennen wir nicht Sünder. On voit ici, verset 7, il dit, voilà qu'il s'en va loger chez les pécheurs. Donc, ce que le monde appelle les pécheurs, c'est pas ce que nous, les enfants de Dieu, on appelle les pécheurs, sinon Jésus-Christ n'allait pas manger avec eux. Who are the sinners? Those that hate the truth. Amen. Sind die Sünder, die divide. Defy those that hate the truth. Amen. They are the sinners. Das sind die Sünder. Qui sont les pécheurs pour nous, les enfants de Dieu? C'est pas comme ce monde ici. Pour les enfants de Dieu, les pécheurs sont les gens qui détestent la vérité, qui sont en train de combattre contre la vérité. Praise the Lord. Amen. Verse 8. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Are you seeing something there? The half. He has somebody here, give me the half of your income. Are you getting something here? This is not... For Christ is not new. It's not new to him or for him. Are you getting it? But you know, for us here, yeah, for the world today, it's so new. It's new. It's like news. Die Hälfte seiner Güter lebt. Ici, Zachée, cet homme lui-même dit à Dieu que, oh, vu que tu viens chez vers moi, moi je veux donner même la moitié de tous mes biens. Je veux le donner aux pauvres. On voit que cette histoire. Donc, chez Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ici, dans ce monde, c'est quelque chose de vraiment impossible. Quelque chose de, oui, de grave. He said unto the Lord, behold, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting something here? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. And Jesus said unto him, this day is salvation come to this house. Amen. For so much as he also is a son of Abraham. Amen. Verset 8 à 9. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting something here? Can you see the difference between him and the other man? Seht ihr den Unterschied zwischen ihm und den reichen Jüngling? Est-ce que vous êtes capable à voir la différence entre ces deux passages de Marc 10, 17 et Luc 19, 8, la différence entre ces deux hommes riches? You know, Jesus did not tell him go and sell things and give to the poor. He did not even, he came from this man. Mm. Are you getting it? Mm. He came from this man. I will give half of everything I have. Mm. Can you see it? Diese Anweisung kam nicht von Jesus, sondern dieser Mensch hat von selbst, aus seinem eigenen Herzen heraus das gesagt. Und das zeigt, wie anders die Herzen sein können. On voit que le premier homme riche, c'est Dieu qui lui a, c'est Jésus-Christ qui lui a dit de partir et tout vendre et donner aux pauvres. Et c'est pour cela qu'il est parti. Mais celui ici, lui, ça vient de lui-même. C'est pas Jésus-Christ qui lui a dit de partir vendre. C'est lui-même qui a décidé de vendre et de restaurer tout. Et on voit que ce sont deux cœurs différents. Malgré ce sont tous les deux sont riches. Praise the Lord. Hallelujah. That's how we are all different today. Tous nous sommes différents. Amen. Et c'est comme ça aussi que nous aujourd'hui nous sommes différents. Amen. We are different today. Nous sommes différents. Before him. For him. C'est pour cela nous aussi nous sommes différents devant lui, devant Jésus-Christ aussi. He knows those even without preaching it, they are there for him. He knows those until they preach until it is preached, they are not there. Die kennt die Leute, die erst wenn sie geprägt bekommen, es hören und es tun. Er kennt auch die Leute, die ohne es geprägt zu bekommen, es tun. Lui connaît tout, il voit tout. Il connaît il connaît les personnes qui entendent et puis agissent, ou bien les personnes qui, même avant d'entendre, ils agissent directement à travers la vérité. You know, he told this man, the other man, the young, the man that called him good master, the young man. He said, you know, Jesus have to tell him. But if even Jesus said it to him, if he have accepted it, Jesus could have even been pleased. Amen. How much more from this man that Jesus did not even say it? It is coming from him, from the inside. Jesus appreciated it so much. And said, salvation has come into your family. Amen. This house. Amen. Jesus hat das wertgeschätzt, dass dieser Vorschlag von diesem Mann selbst kam und nicht von ihm, dass er gesagt hat, tu es und er hat es dann getan, sondern dass es sogar von ihm selbst kam, es zu tun. Aussi, on voit que Jésus-Christ a vraiment apprécié le fait que cet homme a dit ça de lui-même. Il n'a pas attendu que Jésus-Christ lui dit que comment et qu'est-ce qu'il va faire. Lui-même, il a décidé, il a dit ça de lui-même. Et ça, il a vraiment apprécié qu'il a même dit au verset suivant que le salut est arrivé dans ta maison, que tu appartiens aussi au fils d'Abraham. Praise the Lord. Please now go to Mark 10 again. Mark 20. On va retourner à Marc 21. And Jesus beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. Go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure. You know, Jesus here was not after the poor. He was after the salvation of this man. Jesus war nicht hinter den Armen her. Are you getting it? Sondern er war hinter der Errettung dieses Menschen her. Verset 21, Jésus-Christ a dit à cet homme de partir vendre tout et de donner aux pauvres. Ici, Jésus-Christ n'était pas derrière ne voulait pas sauver les pauvres. Il voulait sauver le salut de cet homme. You know, he was not after what religion called the poor, what man called the poor. He was not after that. Er war nicht hinter dem, was Religion arm nennt. Il n'était pas derrière ce que la religion ou bien les hommes de ce monde appellent les pauvres. You know, religion today, they're after to be there for the poor. Religion Caritas, for example. Für die weltliche Armen da zu sein. La religion aujourd'hui, il s'agit seulement d'être là pour les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, comme la Caritas, par exemple. Jesus was after his own kingdom. Jesus war hinter seinem eigenen Königreich. Jésus-Christ était derrière son propre royaume. He was after this, you know, the kingdom of heaven. For the kingdom of heaven to belong to this man also. Er wollte, dass das Königreich des Himmels auch diesem Menschen gehört, dass er auch errettet ist. Jésus-Christ voulait que cet homme blessed. Jésus-Christ voulait que cet homme puisse être soumis et puis pour que qu'il puisse aussi appartenir au royaume des cieux. He was telling this man, there's nothing here on earth that can save you. Mm. Er hat diesen Menschen gesagt, es gibt hier nichts auf Erden, was dich retten kann, außer ich selbst. Jésus-Christ voulait dire à cet homme, il n'y a rien dans ce monde qui est capable à te sauver, sauf moi-même. Even your money cannot save you. Dein Geld kann dich nicht retten. Jésus-Christ voulait lui dire que même ton argent ne peut pas te sauver. Have wealth in my kingdom. Hab reich in meinem Königreich. Tu dois avoir de l'argent, du bien dans mon royaume. Jesus was not after feeding the poor. Jesus war nicht hinter dem dahinter die Leute zu füttern, die Armen zu füttern. Jésus-Christ n'était pas derrière donner de l'argent ou bien de la nourriture aux pauvres. You know, people want to send money to motherless home, fatherless home, all this less home. You know, they want to be loved. Jesus was not. You know, motherless home, they were there when Jesus came. He did not go there. Mm. Are you getting it? Und Jesus hat hier nicht propagiert, dass man sich für Waisenhäuser einsetzen soll oder für obdachlose Kinder oder sonstiges. Er hat das nicht propagiert, dafür ist er nicht gekommen. Er ist gekommen, um zu retten, und das in seinem Namen, das um seinetwillen. Und das sagt er auch uns. Jésus-Christ n'était pas derrière, il n'était pas après de donner de l'argent aux veuves ou bien aux gens qui n'ont pas à manger, des histoires comme ça. Lui, il s'agissait seulement de son royaume, que les gens là puissent appartenir à lui. Praise the Lord. Amen. It is like Matthew 18, where Jesus used a little child to teach us the kingdom of heaven. How the kingdom of heaven will operate. How we are to submit to him. Wo Jesus uns das Königreich des Himmels erklärt, wie wir uns ihm hingeben. Jésus-Christ veut voulait les apprendre comment se soumettre à Jésus-Christ, comment appartenir au royaume des cieux quand on se soumet à lui. On soumet tous nos biens, toutes nos histoires à lui. He was not after our lovely two children. Il ging nicht darum, kleine Kinder zu mögen. The Bible said God loved, for God so loved the world and not loved little children. Denn Gott liebt die Welt. Nicht nur kleine Kinder. Jésus-Christ n'était pas derrière, oui, il aime des petits enfants, des histoires comme ça. Non, il a dit que Dieu a aimé tout le monde. C'est pour cela il a donné même son fils. Il n'a pas dit que Dieu a aimé les petits enfants. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, people know how little children are to their parents. Leute wissen, wie in the natural world, we know how little in children der natürlichen Welt sind. Ici dans le monde, on sait comment les petits enfants sont pour leurs parents. He was saying to us that is how we are to be before him. Il a dit que c'est comme ça qu'on doit être devant lui. If you read it, he said, "You humble like these little children." Quand il a pris l'exemple des petits enfants, il a pris seulement pour nous faire comprendre comment on doit se soumettre comme les petits enfants se soumettent à leurs parents. Little children, non. Babies depend on their parents to live. And that is why in John 15 he said, without me you can't do nothing. You depend on me to live. Sagt er, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr müsst euch auf mich verlassen, um zu leben. Donc l'exemple avec les enfants, l'histoire avec les enfants, Jésus-Christ l'a seulement utilisé comme exemple pour nous faire voir que sans lui, on doit vraiment dépendre de lui pour bien vivre dans ce monde. C'était juste un parallèle en fait. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, Luke 19. Amen. 19. Jesus did not tell Zacchaeus, go and sell things and give to the poor. He did not say it. Jesus nicht zu Zacchaeus gesagt, geh und verkauf alles und gib es den Armen. Encore une fois, ici dans Luc 19, on voit que Jésus-Christ n'a pas dit à Zachée de partir vendre tout et donner aux pauvres. C'est lui-même qui a fait ça de sa propre volonté. You know, he tell me to tell people, you know, if you want to speak to me, he never tell me to tell people the same thing. You know, you tell me this, that the same thing he's doing here. Are you getting it? Mm-hmm. Because he know the heart of man. He know your heart different. He know that your heart, they are different. Amen. Your desire and your desire, they are different. Your focus and your focus and the other person's focus, they are all different. Mm. Amen. Jesus kennt unsere Herzen, deswegen wird er auch nicht zu jedem gleich das gleiche sagen oder die gleiche Anweisung oder die gleiche Aufgabe jedem geben. Und genauso ist es auch bei mir, wenn ich vom Herrn eine Anweisung für Menschen bekomme. Es ist auch nicht immer die gleiche Anweisung, weil jeder ein anderes Herz hat. Jeder hat einen anderen Boden, der unterschiedlich bearbeitet werden muss. Jésus-Christ connaît notre cœur. C'est pour cela aussi, quand il me dit quelque chose de vous dire, c'est pas toujours la même chose. Parce que chacun a un cœur différent et l'Éternel travaille à travers ça aussi différemment. Donc, il a dit aux autres ça et à toi, il va te dire quelque chose d'autre. Praise the Lord. You know verse 9 of Luke 19. Verse 9 of Luke 19. Jesus was so pleased with him. Jesus war hatte Gefallen an ihm. Amen. And Jesus said unto him, this day the salvation come to this house. Jesus was so pleased with this man. Lukas 19, Vers 9. This young man. Amen. Jesus he was so pleased. Hatte sehr Gefallen an diesem jungen Mann. Luc 19, verset 9. On voit que Jésus-Christ était vraiment content. Il était vraiment... il avait de joie, de la joie à travers Zachée. Amen. Amen. You know, Jesus did not ask him, did not tell him what to do. Mm-hmm. He came from this man. Mm-hmm. And Jesus said unto him, verse 9, this day salvation come to this house. For so much as he also is a son of Abraham. Mm-hmm. Today salvation have come into this family. Are you getting it? Why? He was so pleased. Amen. Jésus-Christ était si content qu'il a dit qu'aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Amen. Let us go to 1 Corinthians 9. 1 Corinthians 9. On va lire 1 Corinthians 9. Love a cheerful giver. Der Herr liebt ein, somebody just come from your mind to be there for Jesus. Ein herzlichen Geber, ein freudigen Geber. L'Éternel aime bien quelqu'un qui donne avec la joie. 1 Corinthians 9. 1 Corinthians 9. Praise the Lord. Hallelujah. Vers 6 und 7. 1. Korinther 9, 6 und 7. 1. Korinther 9, 6 und 7. Oh, Second Corinthians, 9, 6 and 7. Pardon, c'était 2 Corinthiens 9, 6 et 7. He said, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposes in his heart. So let him be, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Mm. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Verset 6 et 9. Rappelez-vous, semence passionneuse, malgré récolte, semence généreuse, maison abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And if we read it to verse 11, let us quickly read it to verse 11. And God is able, 11. Verse 9, God is able to make all grace abound towards you, that you always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. As it is written, he hath despised abroad, he hath given to the poor. His righteousness remaineth forever. Amen. Verse 10. Sin. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sow, and increase the fruit of your righteousness, being enriched in everything, so to all bountifully, which causeth through us thanksgiving to God. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 10 et 11. Amen. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. In verse 6 and 7 says, how you sow is how you reap. In 6 und 7 sagt er, so wie du sähst, so wirst du auch ernten. Verset 6 et 7 nous dit que comment tu vas s'aimer, c'est comme ça si tu vas récolter. How you sow is how you are going to reap. So wie du sähst, wirst du auch ernten. Comment tu vas s'aimer, c'est comme ça si tu récoltes. Praise the Lord. Amen. You know, I don't need to be there when you are sowing. But when you are reaping, once I see what you are reaping, I know what you sow. Amen. ich muss nicht dabei sein, wenn du erntest. Nee, ich muss nicht dabei sein, wenn du... Ich muss nicht dabei sein, wenn du siehst, sondern wenn du erntest, sehe ich, was du gesät hast. Je ne dois même pas être là quand tu vas s'aimer. Mais je veux voir ce que tu vas récolter. C'est comme ça que je veux voir comment tu as s'aimer. Praise the Lord. Amen. Amen. Christ's kingdom is a giving kingdom. Das Königreich von Christus ist ein Königreich, in dem wir geben. Le royaume de Dieu, c'est le royaume où on donne. If you look at Christ, he gave and gave and gave himself. He gave all. He left heaven and came here. He left heaven. He gave all. Amen. Christus, er hat gegeben und gegeben und hat alles gegeben, damit wir alles haben durch ihn. Amen. On voit Jésus-Christ, par exemple, lui, il a donné, il a donné, il a donné jusqu'à fin qu'il s'est devenu même soi-même pour qu'on puisse avoir ce qu'on a maintenant. He will not tell us to do what he does not do. Er wird uns nicht sagen, etwas zu tun, was er selbst nicht getan hat. Il va pas nous dire de ne pas faire ce que lui n'a même pas pu faire. He said, you leave her because I left her. If I don't leave her, you cannot be my family. Er hat gesagt, verlasst alles, weil ich alles verlassen habe. Wenn ihr nicht alles so wie ich verlasst, könnt ihr nicht zu meiner Familie gehören. Il a dit qu'on doit tout donner parce que lui aussi il était capable à tout donner. Parce que si on n'est pas capable à tout donner comme lui, il a donné, on peut pas appartenir à sa famille. And if you don't leave her, you cannot be my children. Wenn ihr nicht alles verlasst, könnt ihr nicht meine Familie sein. Si tu ne laisses pas tout derrière toi, tu n'es pas capable d'être sa famille. That's why in Luke 14, he said you must hate all. It is a must. It's not if you like it, you hate it. If you don't like it, you don't. You know, it is a must. You must hate all. C'est pour cela Luc 14 nous dit qu'on doit tout détester. We must not all. On doit. Praise the Lord. In Mark 10, from verse 28, Peter said, we left all. Markus 10, 28, sagt Petrus, wir haben alles verlassen. Wir müssen alles hassen. Mark 10, Pierre a dit aussi que, Maître, on a tout laissé derrière nous. What you hate, you leave. What you love, you keep. Verlassen wir, was wir lieben, behalten wir. Parce que normalement, ce qu'on déteste, on le laisse. Mais ce qu'on aime, on aime bien garder pour nous. Look 14. Jesus said you have to hate all, your mother, your father, your everything, including yourself. Then Peter said in Mark 10, we left all. Can consider what you hate, you leave. Das, was du hast, verlässt du. Jésus-Christ a dit qu'on doit vraiment être capable à tout détester. Et c'est pour cela aussi, un des disciples a dit que oui, mais on a tout laissé. Donc même toi-même, tu dois te détester. Là. Until you hate the flesh, you can never get out of the flesh. Tu dois être capable à détester la chair pour laisser la chair. Si tu aimes bien encore la chair, tu vas toujours tenir ça. Until you hate the praise of men, you will clap for men when they are praising themselves. Erst nur das Lob der Menschen hast, wirst du, learn to hate what Christ hates. Das Lob der Menschen auch nicht mehr geben. On doit vraiment apprendre à détester ce que l'Éternel aussi déteste. Praise the Lord. Christ knows your heart. Der Herr kennt dein Herz. Jésus-Christ connaît notre cœur. Praise the Lord. You know, somebody was here, church, you know. You know what he told me to tell, he have never said it. And sometimes when he says something, sometimes I just, hey. Because I know people. Amen. But I love it. I love to say it. Because he's going to reveal something. Something is going to be revealed. And I love when something is being revealed. Ich danke dem Herrn, dass er mir diese Anweisung gibt, Leuten Dinge zu sagen, die vom Herrn kommen. Weil das Innere, das Herz der Menschen offenbart. Und deswegen liebe ich es auch, diese Offenbarungen, diese Anweisungen weiterzugeben, weil dadurch Christus offenbart wird und verherrlicht wird. Moi, l'Éternel me dit souvent ce que je dois dire aux enfants ou bien aux gens qui sont ici, et je sais que c'est difficile pour eux. Mais moi, j'aime bien écouter ça, j'aime bien donner ce que l'Éternel m'a révélé ou bien m'a dit de les apprendre et de les dire, parce que à travers ça, ça va révéler ton cœur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, what he said to the rich young man, he did not say it to Zacchaeus. Was er zu dem Reichen gesagt hat, hat er zu Zacchaeus gesagt. Because he knows your heart. Weil ihr Herz kennt. Ce qu'il a dit à l'homme riche, il n'a même pas dit ça aussi à Zacchée, parce qu'il connaît leur cœur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Zacchaeus was, you know, was... He was prepared to submit to Christ no matter what. Are you getting it? He was so prepared. On voit que Zachée était vraiment prêt à, il était vraiment préparé et prêt à laisser tout derrière lui pour Jésus-Christ. Donc il a dit que n'importe quoi, je veux appartenir à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il était prêt. No, as you read it, he said he was looking for him. He was looking for Jesus, and he was prepared to surrender. No, because a lot are looking for him, but they are not prepared to surrender, to submit to him. And it's a big problem. On voit ici Zachée, il est en train de chercher Jésus-Christ, mais il était aussi prêt à se soumettre totalement à Jésus-Christ. Mais ici aujourd'hui, on voit que tout le monde est en train de chercher Jésus-Christ, mais ils ne sont pas prêts à se soumettre. Et c'est ça le problème. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that this Zacchaeus was different from the other man. Amen. The other man was also looking for Jesus. He came to Jesus. Amen. Mm. But he was not prepared to submit things. You know, that's why Jesus said, coming to him, you have to be prepared. Yep. To leave everything. If not those things, you cannot. The Jüngling hat auch nach Jesus gesucht, aber er war nicht bereit. Der Jüngling hat auch nach Jesus gesucht, aber er war nicht bereit, sich hinzugeben. On voit aussi l'autre homme riche, il était en train de chercher Jésus-Christ, c'est pour cela qu'il est venu vers lui, il dit que j'ai laissé ça, j'ai fait ça, mais il n'était pas prêt à se soumettre à Jésus-Christ, mais il a cherché Jésus. You know, this Zacchaeus, he knew something, he knew that to follow Christ is so expensive. Amen. Zacchaeus wusste, dass Jesus zu folgen teuer ist. Zachée savait que le fait de suivre Jésus-Christ, c'est vraiment ça, c'est cher. Ça coûte beaucoup de suivre Jésus-Christ. You know, that is how you are to know it, see it today. It's so expensive because it will cost you all. Amen. Es ist teuer, weil es dich alles kosten wird. C'est vraiment cher de suivre Jésus-Christ parce que ça va tout te coûter. Praise the Lord. Amen. Just like Peter said, we left all. Genau wie Petrus gesagt hat, wir haben alles verlassen. Tout comme Pierre a dit que on a tout laissé derrière nous. It is going to cost you everything. Es wird dich alles kosten. Your life, a new life. Can you see? Amen. A new job. Ça va tout a new écouter. Peace, another peace. Amen. Another love. Amen. And everything another is going to, no, it just, the change is so heavy. Amen. A new hobby. Amen. A new, you know. New relationship, amen. New parents, new everything. Amen. If any man be in Christ, he's a new creature. Amen. Take everything to follow Christ. Es braucht alles, Jesus Christus zu folgen. Und deswegen sind wir auch eine neue Schöpfung, wenn wir ihm folgen. On doit comprendre que suivre Jésus-Christ, ça va tout nous coûter. Ça va nous coûter des nouvelles relations, des nouveaux travails. Tout est nouveau. Parce que la Bible nous dit que quand une personne appartient à Jésus-Christ, c'est une nouvelle créature totalement. Même un. Donc tu vas dépendre seulement de lui, c'est quelque chose de nouveau. Praise the Lord. It is expensive and risky to follow Christ. Es ist teuer und riskant, Christus zu folgen. C'est cher et risquant de suivre Jésus-Christ. C'est vraiment risquant. It's risky because Satan will fight you. Es ist riskant, weil er dich bekämpft. C'est vraiment risquant parce que le diable va te combattre. It's risky because people will hate you. Weil auch Menschen dich hassen werden. They hate me. C'est risquant parce que les gens vont te détester. Ils vont plus t'aimer comme avant. Praise the Lord. Why was Paul going from prison to prison? Why? For Christ's sake. Because they hate Christ, they hate him. Wieso musste Paulus vom Gefängnis zu Gefängnis? Weil sie Christus gehasst haben, haben sie auch ihn gehasst. Pourquoi est-ce que Paul était capable de partir de prison à prison? C'est parce qu'ils ont détesté Jésus-Christ. Et quand ils détestent Jésus-Christ, ils vont aussi te détester parce que tu l'as choisi. Praise the Lord. It is so risky to follow Christ. Es ist riskant, Jesus Christus zu folgen. C'est vraiment risquant de suivre Jésus-Christ. It is risky because you don't know what is. What the future is at all. Es ist auch riskant, weil du nicht weißt, was die Zukunft mit sich bringt. All you know is Christ. C'est vraiment risquant parce que tu ne sais même pas ce que le futur va t'emmener. Parce que tu sais seulement Jésus-Christ, c'est lui qui tu dépends de lui. Tu es prêt là d'agir comme lui, donc tu ne sais pas le lendemain. We don't know what the future is holding for us. All we know is Christ. Amen. Are you getting it? On ne sait pas ce que le futur va nous ramener. On sait seulement que notre futur c'est Jésus-Christ. If you ask those people in the world today, they know what they are going to become, a professor, a doctor, a lawyer. But when they ask, you don't even know. You cannot even explain. All you know is that Jesus is my future. Amen. Wenn du die Welt fragst, was sie in einem Jahr oder zwei oder drei vorhaben, können sie dir das ganz genau sagen und wissen, wohin sie wollen, wo sie sein werden, aber wir wissen einfach nur Christus. Nous, par exemple, quand on nous demande aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux être dans le futur, il est capable de te dire que je serai ceci, cela, ceci, cela. Mais toi, nous, aujourd'hui, quand on nous demande, tu vas dire que je ne sais pas, c'est l'Éternel qui va me le dire. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It is risky because a lot, you know, people are going to make fun of you. They are going to laugh at you to scorn. Just like they laugh at him. Und dich auslachen. C'est vraiment risquant parce que les gens vont se moquer de toi, comme ils se sont moqués de Jésus-Christ. Amen. A lot of persecution are waiting. They are on the way. Amen. But Christ's grace. It's enough for us. Amen. Go to 2 Corinthians. Ils vont se moquer de toi, mais la grâce de Jésus-Christ, c'est ça qui te suffit. Praise the Lord. Amen. Go to 2 Corinthians 12. From verse 5 to 10, because of time. 2 Corinthians 12. Amen. Amen. 2 Corinthians 12. 2 Corinthians 12. From verse 5 to 10. 5 à 10. 5 bis 10. He said, "Our such and one. Will I glory, yet of myself I will not glory, but in my infirmities." Verse 6, "For though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which is seen me to be, or that is heard of me." Verse 7. And lest I should be exalted above measure through the abundance of revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should exalt above measure. Praise the Lord. Amen. You know, here it is not Christ that sent messengers of Satan to Paul. Hier ist es nicht Christus, der Engel des Satans geschickt hat, um Paulus zu quälen. Et si on comprend bien, c'est pas Jésus-Christ qui a, ou bien Dieu qui a envoyé un messager du diable pour déranger Paul. You know, the Lord never teach us with problems. He will not teach us with Satan. Er lehrt uns nicht mit Problemen mit dem Satan. Jésus-Christ nous apprend pas à travers le mal ou bien des problèmes ou avec le diable. You know, put something here. Go to John 15. Johannes 15. On va lire, on va partir chez Jean 15. Praise the Lord. Hallelujah. John 15, verse 3. Johannes 15, 3. He said, "Now you are clean through the word which I have spoken unto you." He cleans us through his word. Er reinigt uns durch sein Wort und nicht durch Probleme. And look at it. Il a dit qu'il nous purifie à travers sa parole et pas à travers les problèmes. You know, Paul's infirmity, he was always going from prison to prison. Dieser Fall, das war, dass er immer von Gefängnis zu Gefängnis gehen musste. Parce que le problème ici de Paul, il devait partir de prison à l'autre, d'un prison à l'autre. You know, if everything is perfect for you, it will invite people. But if people don't, you know, your chain, that chain drove away some people and even bring some people in. I don't know if you get it. The chain, you know, he was always going from prison to prison. You know, even when he was in prison, he said in a place, he said, "Some are rejoicing because of my chain, but some are sad because of my chain." He said, "Nevertheless, Christ is preached." Are you getting it? Diese Ketten sind da, weil er sich halt gegen die Welt entschieden hat und Christus prägt. Hätte würde er sich für die Welt entscheiden, wäre er nicht in Ketten. Niemand würde ihn gefangen nehmen, weil er alles richtig macht, aber nach der Welt. Aber weil er es eben nicht macht, ist er in Ketten. Und er sagt auch, dass es Leute gibt, die sich über diese Ketten freuen, die sich freuen, dass er in Gefangenschaft ist. Aber es gibt auch Leute, die sich nicht deswegen freuen. On doit comprendre que Paul ici, il nous a aussi dit que les chaînes qu'il avait à cause de Jésus-Christ de partir de prison, d'une prison à l'autre, c'était parce qu'il avait décidé de vivre pour Jésus-Christ. Et il y avait d'autres qui se réjouissaient parce qu'il était en chaîne. Il y avait aussi d'autres qui étaient tristes parce qu'il est en chaîne. Et il dit que ça, l'importance est que la vérité, la parole de Dieu est prêchée. You know, he is telling us that if you are opposite Satan, Satan will fight you. Hier sagt einfach nur, dass wenn du gegen den Satan bist, wird der Satan dich auch bekämpfen. Ici, ce passage veut nous dire que si tu es contre le diable va te combattre. No, no, Satan is coming this way and you are coming this way. It's a matter of time you are going to meet. But if both of you are going through the same direction, facing the same direction, the same pit, you are going to land. But if you are opposite Satan, Satan will fight you. All those who live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Alle, die gottesfürchtig in Christus Jesus leben, werden Bedrängnis erleiden. Wenn wir Seite an Seite mit dem Teufel in die gleiche Richtung fahren, werden wir nicht mit ihm zusammenprallen. Es wird keine Kollision geben. Aber wenn wir in die gegenübergesetzte Richtung von ihm fahren, auf ihn zufahren, weil wir Feinde des Satans sind, dann wird es natürlich zu einem Crash kommen. Und das wird und das nennt man dann Verfolgung. On doit comprendre que quand si tu pars de tu marches à gauche et le diable vient à droite, vous allez avoir une collision, vous allez avoir un combat. Mais si vous partez dans une même direction, vous et toi le diable, ça signifie que la fin, vous avez une même fin. Donc c'est pour cela que la Bible nous dit que tous ceux qui sont pour Jésus-Christ sont contre le diable et ils ont à avoir une persécution. Et la persécution est que c'est le fait que le diable veut aussi te combattre avec tout ce qu'il peut. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said again in verse 7, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, overflow revelation that the Lord was speaking through me. Can you see? So that, you know, so that Satan wanted people to run away from him. Because you could see the revelation pumping out. Are you getting it? Yeah. He will bring problem. You see that sicknesses and we thank God the Lord is not present today. It can be sicknesses and disease. It can't be one thing or the other. That people will say, we look at you and say, if God cannot do this, why can't he save me? Are you getting it? To drive people away from Christ. Und der Satan hat diese Dinge gebracht, natürlich, weil diese Offenbarung von die Paulus bekommen hat vom Herrn so groß ist und so viele Leute verändert hat und Veränderung mit sich gebracht hat, und er versucht dagegen anzukämpfen, um das zu verhindern, damit nicht noch mehr Leute errettet werden. Und das ist genauso wie das beispielsweise, dass er hätte von Gefängnis zu Gefängnis gehen können, aber es hätte auch Krankheiten sein können. Und natürlich Leute, die fleischig gesinnt sind, werden sich dann denken, okay, wenn du selber in Gefangenschaft bist, wenn du selber Schwierigkeiten hast, in Krankheit bist, so that Christ can heal. What did he not heal you? Wieso soll ich dann diesen Gott annehmen, den du anscheinend anbetest, der es aber nicht packt, dich selbst zu retten? Donc on doit comprendre que le diable va avec ses persécutions parce qu'il ne veut pas que les gens puissent être sauvés, parce qu'il a vu à travers Paul que il y a eu beaucoup de révélations, parce que Paul disait aux gens que vous êtes libres, mais lui-même il était dans la prison. Ça n'a pas de sens. Et c'est comme ça que le diable voulait aussi que le mettre toujours dans les prisons pour faire voir aux gens que il est en train de prêcher la liberté, mais il est dans la prison. Mais et c'est pour cela il devrait vraiment être spirituel pour faire comprendre aux gens que il ne s'agit pas de la liberté physique, il s'agit de la liberté spirituelle et mentale. Et c'est comme ça aussi avec nous. Quand tu vas commencer à prêcher aux gens que oui, il faut être, c'est Jésus-Christ qui t'a guéri, toi-même tu vas commencer à avoir des douleurs parce que le diable sait que tu es en train de travailler contre lui, il veut la persécution, donc il va commencer à te combattre. Et c'est la bonne chose même quand tu commences à voir que tu ne vas pas bien physiquement parce que c'est le diable qui est en train de te combattre et tu es pour Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Paul in prison and he's preaching freedom. You are in prison, you are preaching freedom. You are not even free. In the flesh, you still feel, are you getting it, please? You know, when people see it, he's preaching freedom when he's in the prison. Then, he's not free, and he wants us to be like him. Can you see, what they call freedom? It's not what Christ called freedom. Until you know what Christ called freedom, you cannot even preach freedom when you are in prison. Und natürlich verspotten die Menschen ihn, wenn sie eben nicht wissen, was die wahre Bedeutung von Frieden ist im Königreich Gottes, wenn sie Frieden nur auf einen Ort begrenzen, wenn sie natürlich denken, dass jemand, der in einem Gefängnis sitzt, nicht von Freiheit sprechen kann. Aber genauso auf der anderen Seite, wenn du nicht wirklich weißt, was Freiheit in Christus ist, wirst du auch nicht diese Freiheit in Christus predigen, wenn du im Gefängnis bist, weil du denken wirst, dass dein Zustand un Widerspruch zu der Freiheit von Christus ist, was aber gar nicht stimmt. C'est pour cela qu'il faut commencer vraiment à comprendre le vocabulaire de l'Éternel, parce que ici, dans ce monde, liberté, c'est seulement un lieu. C'est où, si tu es dans un lieu où tu ne peux pas te tu ne peux même pas bouger. Mais dans l'éternel, être libéré ou bien la liberté, c'est quelque chose de spirituel. C'est pour cela, Paul, lui, il savait qu'est-ce que ça signifie dans le royaume des cieux. Et c'est pour cela, il a été capable à prêcher, même à écrire presque toute la Bible pour nous dire que nous sommes vraiment libres malgré qu'il était dans la prison. Et c'est comme ça que nous aussi, on doit commencer à s'entraîner, à voir... d'avoir le vocabulaire de l'éternel, de voir les histoires comme lui, il a vu, qu'il ne s'agit pas comme ce monde, parce que sinon, on ne sera même pas capable de prêcher la guérison, ou bien même la liberté, même tout, n'importe quoi. Praise the Lord. Alleluia. Amen. The Bible said, if Joshua shall live by faith. Die Bibel sagt, die Gerechten sollen durch Glauben leben. La Bible dit que les gens justes doivent vivre dans la foi. We live by who? What we have or who we are in the spirit. Amen. Wir leben durch das, was wir sind und den wir haben im Geist. On vit à travers ce que nous sommes et ce qu'on a dans l'esprit, pas physiquement. I will preach what who we are in the spirit. Amen. Wir prägen, was wir im Geist sind. Amen. Et on est en train de prêcher ce que qui nous sommes, qui on est dans l'esprit. And that's why Nuno Paul in prison, he was writing, rejoice always. I say rejoice. In prison, his message was always rejoice, rejoice, rejoice. Mm-hmm. Because it's not about what man called prison, but what Christ called prison. Amen. Can you see? Amen. He was always in the spirit. Im Gefängnis gesagt, freut euch, denn es geht nicht um den Ort, sondern es geht um deinen Geist. Comme tout comme Paul, quand il disait, réjouissez-vous parce que vous êtes, pour la liberté, parce qu'il ne voyait pas la prison, il ne voyait que l'esprit. Il était toujours en esprit, c'est pour cela qu'il ne parlait que de l'esprit. Donc, comme nous aujourd'hui, on ne peut pas dire que ah, je n'ai pas de l'argent. Ça, c'est quelque chose naturel. Mais en Christ, on a tout ce qu'on a. Nous sommes même des enfants riches parce que notre père, c'est le prince, c'est le roi. Et c'est pour cela qu'on va dire seulement ce qui est dans l'esprit et pas ce qui est charnel. Verse 8, it says, for this thing I besought the Lord thrice. Three times, that it might depart from me. From this problem, I said, take it from me. I'm tired of going from prison to prison. And the Lord said in verse 9, he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Are you getting it? My love for you, if you can remember how I love you, you will be strong. Amen. You win, it will not matter for you whatever is happening to you. Mm. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ici, Paul a dit que je suis vraiment fatigué de partir de prison à prison. Il a même demandé à l'Éternel de lui enlever cette situation de lui, d'écarter cette situation de lui. Mais Jésus-Christ lui a dit que ta grâce, ça suffit pour ma grâce, ça te suffit. Donc, pour te dire que tu n'as pas besoin d'abord d'avoir que une situation puisse être enlevée ou bien écartée de toi. Tu dois juste te rappeler de ma grâce ou bien de ce que moi j'ai fait dans ta vie ou bien de mon amour envers toi pour rester en esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. And in the same place, he said, most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmity. I will rejoice no matter the problem. Are you getting it? Mm-hmm. Put something here. Go to Matthew 5. Look at what Jesus talks about concerning persecution. Matthew 5. Praise the Lord. Matthew 5. Amen. Amen. From verse 10 to 12. Verse 10 to 12. He said, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. For there is the kingdom of heaven. Amen. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you. Firstly, for my sake. Rejoice. He did not say be sad. Rejoice! Praise the Lord! Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they, the prophet which were before you. Praise the Lord. Amen. You are the salt of the world. Don't let that salt lose its taste. Seid das Salz der Erde. Lass nicht zu, dass dieses Salz seinen Geschmack verliert. Verset 10 à 12, aussi, vous l'écoutez attentivement, vous allez voir qu'on doit être heureux n'importe quelle situation. Et c'est pour cela, il nous dit aussi, après le verset 13, il nous dit, nous sommes le sel de ce monde. Et c'est pour cela, on ne doit pas laisser que le sel puisse plus avoir le goût. Are you getting it? Because of any persecution, the next verset, you are the salt of this world. Don't let that salt lose its taste. Don't give up on Christ because of any persecution. Gib Christus nicht auf wegen irgendeiner Verfolgung. Donc, faut pas abandonner l'Éternel jusque à cause des persécutions. C'est ça qui est. Quand tu es le sel, tu à toute situation, tu fais ton travail. Et c'est comme ça qu'on doit aussi voir les choses. Pass to 2 Corinthians 12. 2 Corinthians 12. On va retourner à 2 Corinthiens 12. The big part of 9. Look at it. He said, most gladly, therefore. Verset 9. Will I rather glory in my infirmity? Just like Jesus said, rejoice in persecution. Are you getting it? Genauso wie Jesus sagt, dass wir uns in Verfolgung freuen sollen. That the power of Christ may rest upon me. Are you getting it, please? 2. Korinther 12, Vers 9, zweiter Satz. 2 Corinthiens 12, verset 9, la deuxième partie. Il a dit que ma grâce, ça suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste maintenant. Verset 10. He said, therefore, I take pleasure in infirmities. Amen. In reproach, in necessity. You know, if I don't have anything, in necessity. And I don't have anything. All I have is just Christ. Christus habe. Verset 10. I'm still rejoicing. Amen. Verset 10. Même si je n'ai rien, moi, je dois me réjouir en Jésus-Christ. In persecution. Do you see that? In verfolgung. Amen. I take pleasure in persecution. I rejoice in persecution. Ich freue mich in der Verfolgung. Ici, il dit que même dans la persécution, moi, je me réjouis. Praise the Lord. I'm not sad in persecution. Ich bin nicht traurig in der Verfolgung. If you are sad in persecution, you will fight it. If you receive Christ, you will rejoice in persecution. Wenn du Christus empfängst, wirst du dich freuen in der Verfolgung. Ici, il dit que dans la persécution, il ne faut pas être triste. Dans la persécution, il faut vraiment te réjouir. Parce que là, ça signifie que tu es vraiment en esprit. Tu es au royaume des cieux. Tu es spirituellement. C'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler, qui va t'aider. Mais si tu es charnel ou tu es triste, là, tu n'es plus dans le royaume des cieux. Là, tu es charnel. Tu deviens charnel. Are you getting it? In distresses, for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. Amen. The body is weak, but the spirit is stronger. Amen. Ist schwach, aber der Geist ist stärker. La fin de verset 10 nous dit que car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Donc ton corps est faible, mais ton esprit est toujours fort. The more nothing is working, the more I believe it. Umso mehr nichts funktioniert, umso mehr glaube ich und vertraue ich. Et ça, c'est un exercice. Le plus que les histoires ne marchent pas, ne fonctionnent pas, de plus que tu dois vraiment te réjouir. C'est un exercice pour arriver comme à la. Praise the Lord. Amen. Go to 2 Timothy 3. De Timothée 2. 2 Timothy 3. Praise the Lord. Amen. 2 Timothy 3. I'm so happy. Amen. The message is also speaking to me. Amen. 2 Timothy 3. 2 Timothy 3. Verse 12. Verset 12. Are we there, please? Nini, can you help us to read this chart? Übrigens werden alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie es Gott gefällt, verfolgt werden. Praise the Lord. He said, yea, and all that will live godly. Not just living godly. The Muslims, they live godly. Und nicht nur gottesfürchtig, denn Muslimen leben gottesfürchtig. Amen. He's not saying just living godly here. En effet, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par l'union avec Jésus-Christ reconnaîtront la persécution. I hope you are getting something here. He said all those that live godly in Christ Jesus. No, it is not just living godly. Es geht nicht darum, nur gottesfürchtig zu leben, sondern auch gottesfürchtig in Christus Jesus zu leben. Il s'agit pas d'être seulement dans vie, il ne s'agit pas de seulement vivre dans la crainte de l'Éternel. Ici, ils ont écrit, il s'agit d'être, de vivre dans la piété par l'union, par leur union avec Jésus-Christ. C'est eux qui connaîtront la persécution. It is not just living godly, but living godly in Christ Jesus. The Muslims live godly. Those under law, the religion, no, the Jews, they were living godly. But not in Christ Jesus. Amen, ja. Die Juden haben auch gottesfürchtig gelebt, aber nicht gottesfürchtig in Christus. Par exemple, on voit les Juifs ou bien les Musulmans, ils vivent aussi dans la crainte de Dieu, mais ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu avec l'union de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est la différence. Ici, il nous dit que c'est avec Jésus-Christ, avec l'union de Jésus-Christ, c'est ça, avec la crainte de l'union avec Jésus-Christ, c'est ça qui est l'importance. He said, all those that live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Alle, die gottesfürchtig in Christus Jesus leben, werden Verfolgung erleiden. Seulement ceux qui vivent dans la piété par l'union avec Jésus-Christ, c'est eux qui connaîtront la persécution. There are men just no, no persecution are so many. Verfolgung ist vielseitig. Il y a beaucoup de des manières de persécution. Sometimes we are going through things we don't even see them as persecution. If you see them as persecution, you will be able to rejoice. Manchmal gehen wir durch Sachen und persecuting you because of Jesus. Aber es ist Verfolgung wegen Jesus Christus. Quelquefois nous on n'est même pas capable de voir les persécutions parce qu'on est trop on est un peu charnel. Mais si on voit vraiment que tout est persécution. Parce que c'est à cause de Jésus-Christ qui sont mauvais vers toi ou bien tu as des problèmes. Tu vas même te réjouir parce que tu connais la vérité. You know, if your parents or your mother or your father, they are against you because you choose Christ, it's persecution. Wenn deine Familie gegen dich ist, weil du dich entschieden hast, das ist Verfolgung. We don't even see it as persecution. Amen. Please see it. It is persecution. Si par exemple tes parents sont contre toi parce que tu aimes l'église ou bien tu pars à l'église, ça c'est une persécution par exemple, tu dois le voir. Amen. You know, people make fun of you. Well, how old are you? You are not yet married. You are how old are you? You are still in that school. How many years have you spent? Oh, you know, they will make fun. They will say to you differently. It's persecution. You are to rejoice in Christ. Amen. Jesus. Amen. Are you getting it? Amen. Oder wenn Leute uns fragen, wir sind immer noch nicht verheiratet oder sind wir immer noch in dem gleichen Studiengang, wohnen wir immer noch da, haben wir immer noch dieses Auto oder haben wir immer noch keinen Führerschein? Nothing, you don't have anything. Verschiedenen Sachen. Just look immer at wieder you. Aufzeichnen, immer wieder look aufzeichnen. Look at my loser. Du bist ein Verlierer, du bist nichts. Mit anderen Leuten vergleichen. Rejoice in persecution. Das ist auch alles Verfolgung, weil du diese ganzen Schritte tust und nicht tust wegen Christus. Même quand les gens te disent que regarde comment quel âge tu as, tu n'es pas toujours marié, tu n'as même pas toujours fini les études, tu fais toujours la même chose, tu n'as pas toujours, donc tu es vraiment un perdant, les gens te disent des histoires comme ça. Ça ce sont des persécutions parce que la raison laquelle tu n'avances pas physiquement encore, c'est parce que spirituellement tu es en train de grandir par exemple. Donc tu dois reconnaître cette persécution. Praise the Lord. Amen. You know, we all have different persecution. Yeah. You know, children in the school, they have different persecution that you have. Amen. Mm-hmm. You know, if you're somebody that, you know, you are in, what will I say? If, for example, you are up to age and you are still living with your parents, or you are still living... You don't have anything. You can compare yourself. It's as if you don't have anything. But actually, you have more than them. Amen. Amen. Amen. Christ is more than everything. Amen. Amen. Amen. But yeah, according to the world system, it's as if you don't have anything. Amen. And they will make fun of you. They will make jest of you. Amen. They will, when they are talking about you, you are not even there. Amen. Remember, sometimes they can even reveal it before you. But the Bible said, don't be sad. Amen. Rejoice. I thank Jesus that, you know, the same way they made fun of him. You know, he was not in university. He was just a carpenter. Amen. Amen. How much more to pass exam? You know, you have to be in university before you can do the exam, before you can pass the exam. But Jesus was not in any of them. Can you get it? Amen. You know, if they laugh at Jesus, they will laugh at you. Yes, you are not different from him. Except if you are different from him, then they will not laugh at you. Mm-hmm. Weil wir eben so wie Jesus sind, deswegen werden sie uns auch auslachen, werden wir anders wie Jesus, werden wir wie die Welt, wenn wir auch zu ihm gehören, und dann gäbe es auch nichts zu lachen. Und deswegen dürfen wir uns halt nicht, dürfen nicht traurig sein, wenn sie uns verfolgen, wegen den Dingen, die wir haben oder die wir nicht haben. Weil all diese Dinge dienen zur Verherrlichung von Jesus Christus. Wir werden um Christus willen verfolgt und nicht um des Fleisches willen. On doit reconnaître que si on se compare avec les autres, tout ce qu'eux, ils ont, c'est pour se glorifier eux-mêmes. Mais nous, tout ce qu'on aura, c'est pour glorifier l'Éternel. C'est pour cela qu'on va le voir comme les persécutions, quand ils sont en train de nous faire des pressions, genre, tu ne fais toujours la même chose, tu n'as pas encore fini ça, tu n'es pas encore marié. Parce que notre mariage, c'est Jésus-Christ. Et quand on est maintenant marié, vraiment physiquement, aussi à un homme ou à une femme, c'est pour glorifier l'Éternel. Mais leur mariage, c'est... On n'a même pas besoin de se comparer avec eux parce que leur mariage, ce n'est pas basé sur Jésus-Christ. C'est seulement une question de temps pour que ça puisse aussi les ramener ou bien les écarter de l'Éternel. You know, children in kindergarten or primary school, when they talk about Jesus, they are going to have persecution. Mm-hmm. But their friends will even make fun of them. Mm-hmm. Because their friends will say it to their parents, and to their parents will teach them what to say. Mm-hmm. How to laugh at them, how to make fun of them. And they will come to school and even make fun of you. Mm-hmm. It's persecution. Mm-hmm. It's different from persecution you will have when, for example, you are up to age, you did not marry. Mm-hmm. For example, others have driver's license, you don't have. For example, others, everybody passing the school, you are spending 100 years in one class. And they will say, hey, opa, no ma. Praise the Lord. Hallelujah. For Christ's sake, that is who I am. Amen. Amen. Amen. And I rejoice that I am whatever you call me. For Christ's sake. Amen. Praise the Lord. Amen. Don't be ashamed of Jesus. Amen. Amen. Amen. That is how you are not ashamed of Jesus. Amen. Don't you know what they call you or how they see you. If you are ashamed of it, you are ashamed of Jesus. Amen. Don't be ashamed of Jesus. Say, rejoice in me. Amen. Rejoice that your name is written in heaven. That is Amen. Who you are. Amen. You are a son of God. Amen. He can come at any time. Amen. It doesn't matter what they have. Yeah. What they have is like grass. But what you have is forever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Wir sollen uns freuen, wenn wir so wie sie irgendwie verfolgt werden. Weil das wiederum zeigt, dass wir uns für Christus entschieden haben. Und wir sollen halt auch nicht eifersüchtig sein auf die Sachen, die sie haben, oder traurig sein, weshalb wir verfolgt werden. Weil diese ganzen Dinge, die diese Menschen haben oder womit diese Leute uns, weshalb sie sich über uns lustig machen, sind vergänglich, sind wie Gras. Aber das, was wir in Christus haben, ist ewiglich. Und die Leute werden sich vielleicht lustig machen über die Dinge, die du nicht hast, weil du irgendwie immer noch so lange studierst und immer noch... kein Auto hast oder sonstige Sachen, aber das sind alles weltliche Sachen, zeitliche Sachen, die begrenzt sind, die hier auf Erden sind und nicht ewiglich sind, wie dein Jesus Christus haben. Deswegen sollen wir auch stolz sein, Christus zu haben und uns nicht dafür schämen, weil wir sollen uns auch deswegen nicht schämen für diese Verfolgung, weil wir erleiden diese Verfolgung, weil wir ja zu Christus gehören. Amen. Amen. On doit comprendre qu'il y a beaucoup des genres de persécution dans des niveaux différents. Par exemple, si tu as un enfant qui part à l'école primaire, tu es en train d'apprendre cet enfant Jésus-Christ, et que cet enfant parle de Jésus-Christ à l'école, les gens vont se moquer de lui. Et c'est aussi différent comme toi, par exemple, maintenant tu es dans un autre stade de ta vie, tu es par exemple, tu n'es pas encore marié et que tu as 40 ans ou bien 30 ans, je ne sais pas quoi, tu auras aussi une persécution parce que les gens vont te dire, mais tu n'es pas toujours marié, mais si toi, ta motivation c'est Jésus-Christ, si ta raison c'est Jésus-Christ, pourquoi tu n'as pas des histoires? Tu ne dois pas avoir honte, tu dois être fier de ça parce que c'est comme si tu veux dire que moi, c'est pas je ne m'intéresse pas ou... ce que vous appelez victoire, moi ma victoire c'est Jésus-Christ et ça me suffit Jésus-Christ en moi. Donc tu dois être fier du Jésus-Christ en toi, peu importe si l'extérieur est en train de vouloir se moquer de toi en fait. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Persecution includes also when your activities in the church is much. Your activities in the church, you can be persecuted on it. Your giving, your sowing in the church. Your blessing. Being there for Christ, for choosing Christ. People can even persecute you. I just pray that we are not persecuting one another because we have been there for Christ. Mm. Amen. You know, when people are jealous of one another, and his person is so that notice me or Akosh. You understand me? He wants, he's just doing it. Yeah. You know, that is part of persecution also. That you are there for Christ. People can cannot do it. But they will persecute you for doing it. I just pray that there's nobody like that in this church. Before this time, I know that there were people like that that can do such things. But now, I thank the Lord that they have been flushed out. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Now, when you watch the devil comes through that also. Amen. En fait, papa dit aussi que persécution, c'est pas seulement à l'extérieur. La persécution, ça peut être aussi à cause parce que tu es en train de bénir à l'église, ou bien parce que tu as beaucoup des activités à l'église, parce que tu es aujourd'hui. Oui, parce que aujourd'hui tu es toujours la personne qui est en train d'arranger l'église, ou bien tu as Bible study lundi, mardi, mercredi, tu as encore l'église, des histoires comme ça, ou bien qu'il y a quelqu'un qui donne toujours à l'église beaucoup des montants. Donc ça peut venir de chaque niveau, ou bien chaque circonstance, ou bien chaque moyen. Je sais pas si je dis ça bien, mais vous avez compris ce que je veux. Wir können uns auch gegenseitig verfolgen, indem wir anfangen fleischlich über die Entscheidungen oder die Aktionen der Geschwister nachzudenken und anfangen, giftige Gedanken zuzulassen, dass wir beispielsweise Leute beneiden und eifersüchtig sind auf Menschen oder sie sogar verfluchen und sagen, ja, das ist doch ein safe ein Fall von ADHS und deswegen versucht er gerade der ist jetzt einfach nur, der will sich jetzt einfach nur profilieren oder sie will sich jetzt einfach nur zeigen, dass sie schon wieder sauber macht oder dass er schon wieder kocht. Das macht er extra, um andere, die nicht kochen, wieder runterzuziehen oder dass man halt anfängt, dass so alles so giftig und teuflisch zu sehen und ich bin dankbar, dass in der Gemeinde niemand mehr so denkt, weil früher habe ich das Leuten zugetraut, aber der Herr hat Gott sei Dank diese Leute, die in der Lage zu sowas waren, rausgespült aus dieser Gemeinde und ich hoffe, und wir müssen auch das für unser eigenes Herz verweigern, dass wir nicht uns zu Gefäßen solcher Dinge, solcher Gedanken wieder machen, wenn wir sehen, was Leute hier in der Gemeinde für die Gemeinde tun. Und in fact, maman a dit aussi qu'il faut faire attention parce qu'avant, il y avait aussi des gens qui étaient église, Dieu merci que l'Éternel les a écartés de cette église, qui étaient aussi capables à être jaloux, à dire que ah, toi aujourd'hui, j'ai écouté que tu as donné ce montant ici à l'église, c'est seulement pour que tu veux faire voir que tu es quelqu'un qui a ou bien tu as besoin, tu veux qu'on puisse être fier de toi ou bien tu veux faire voir quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est l'esprit de jalousie là. On ne doit pas permettre que cet esprit puisse venir en nous. Ou aussi à notre frère et sœur, quand on voit quelque chose comme ça, on doit vraiment le rejeter aussi. Même si tu vois ces pensées dans toi, tu dois aussi écarter ces pensées de toi parce que c'est vraiment démoniaque. Là, c'est la jalousie qui commence comme ça. C'est aussi une persécution. C'est comme si on est en train de se persécuter les uns et les autres. Like a man of God, you know, two men in his church, one was always blessing the house of Christ, always heavily, and the other one called the other man and says, you so much trust this pastor. Then the man said, if I don't trust him with my life, I cannot trust him with my, if I cannot trust him with my money, I cannot trust him with my life. I'm there because of my life. Christ is my life. Amen. So if I cannot trust him with my money, just earthly things, how can I trust him with my life? Are you getting it? And that closed the door and shut up the mouth of Satan. Amen. Praise the Lord. Und genauso wie auch ein Beispiel, zwei Leute waren in der Gemeinde und eine Person hat die halt gegeben und der eine hat dann gefragt, du gibst aber richtig viel in diese Gemeinde, du vertraust dem Pastor eigentlich anscheinend sehr. Und hat die andere Person gesagt, ja, also wenn ich der Gemeinde oder dem Pastor nicht mit meinem Geld vertrauen kann, wegen Christus, wie soll ich denn diesen Leuten wegen meinem Leben vertrauen? Why am I there at all? Weil ich gehe doch hier hin, weil ich glaube, dass hier die Wahrheit geprägt wird und dass wenn ich dass der Jesus, den ich hier empfangen habe, der wahrhaftige Jesus ist und dass ich deswegen auf ewig eine Beziehung mit Jesus habe und nicht in die Hölle gehe. Ich muss nicht Angst haben, in die Hölle zu gehen, weil ich nicht genau weiß, ob der Jesus, den ich hier bekomme, ob der richtige oder falsche war. Wenn ich da eine Sicherheit habe, wieso sollte ich dann nicht bei meinen Finanzen, was doch viel geringer ist als das, eine Unsicherheit haben? Okay. Comme j'ai eu un exemple de deux personnes qui partaient dans une église Et une qui a dit à l'autre que mais tu donnes vraiment beaucoup à l'église, mais pourquoi tu fais vraiment confiance à ce pasteur? Et la personne qui a répondu que oui, mais je viens ici parce que je fais confiance à l'Éternel. Donc je confie, je suis certaine, donc je suis sûre que la parole que je prends ici, c'est la vie, ça vient du Saint-Esprit. Et donc je fais pas seulement confiance à Dieu à travers avec de l'argent, mais même à travers ma vie. Si je ne suis pas capable de faire confiance à l'Éternel avec beaucoup d'argent comme ça, comment je peux être capable de faire confiance à l'Éternel avec ma propre vie? Et donc, c'est une chose qu'on doit aussi avoir sur tête. Praise the Lord. He said, my grace is sufficient for you. If you remember, if you can remember how much I love you, you will be able to hold on to me. Wenn ihr euch daran erinnert, wie sehr ich euch liebe, dann werdet ihr in der Lage sein, an mir festzuhalten. Il a dit que ma grâce vous suffit. Si vous êtes capable à vous rappeler comment je vous aime, combien je vous aime, vous allez être capable à toujours être avec moi. If you remember, if you can remember how much I love you, you will not be afraid of anything, even in prison or whatever the people are going to do to wenn you. Du dich daran erinnern, the perfect love casts out fear. Dann wirst du keine Angst davor haben, was die Leute antun können. Die vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Und on doit vraiment apprendre à tenir bien à Jésus-Christ parce que l'amour parfait ça écarte toutes sortes de peurs. If you know how much Christ loves you, you will not be afraid of tomorrow. Du weißt, wie sehr dich Christus liebt, wirst du keine Angst haben vor morgen. Tomorrow will not threaten you. Si tu sais combien, the future will be not to you. Si tu sais combien l'Éternel t'aime, tu n'auras même pas peur de lendemain, parce que tu sais qu'il t'aime vraiment trop. Praise the Lord. Amen. Meditate on how He loves you. Amen. Amen. That's how to continue. Amen. Praise the Lord. Tu dois vraiment méditer. To go to Romans 5. Amen. Tu dois méditer à l'amour de Jésus-Christ envers toi. C'est comme ça, c'est comme ça que tu vas toujours tenir bien à lui. Praise the Lord. Amen. If you can remember how much He loves you, you know future will not threaten you. Abraham, God told him, leave your country and go to a place that you don't even know. He was not threatened. Are you getting it? Gott hat zu Abraham gesagt, dein Vaterland und geh in ein Land, was ich dir zeige. Und er hätte Angst haben können vor dieser Ungewissheit. Si tu es capable de te rappeler combien il t'aime, tu n'auras même pas peur du lendemain. Tout comme il a dit à Abraham de laisser tout, de quitter la terre de son père. Abraham n'a pas pensé au lendemain. Il s'est pas posé beaucoup de questions parce que il lui a fait confiance. Praise the Lord. Hallelujah. Where he want me to go may not be as beautiful as where he took me from. Amen. Amen. But you know, I've learned to obey his voice. And I will obey his voice. Amen. Der Ort, wohin er mich führt, ist vielleicht nicht so schön wie der Ort, von dem er mich abgeholt hat, aber ich lerne seiner Stimme zu gehorchen. Le lieu ou bien l'endroit où il m'envoie, c'est pas si beau comme l'endroit où je suis maintenant, mais je lui fais confiance. Je sais que c'est la meilleure chose qu'il fait pour moi. Praise the Lord. Amen. So also was Paul. Genauso auch Paulus. Amen. Et Paul était aussi comme ça. He left all. Er hat alles verlassen. No one ever followed Christ or Christ followed him that never leave all. Mm. Niemand hat Christus gefolgt, ohne alles Check zu verlassen. Si tu regardes bien dans la Bible, personne n'a été capable de suivre Jésus-Christ sans laisser tout derrière lui. The sign of spirit. The sign. Check yourself. If you have left all, or if you are prepared to leave all, amen. Check it. Are you living all for him? Unser Leben prüfen, haben wir alles verlassen für ihn? Alles verlassen für ihn? On doit vraiment, à travers le discernement des esprits, on doit vraiment s'examiner soi-même si on est vraiment prêt à tout laisser derrière nous pour lui. You know, this Christmas, Christmas is the natural family, the religion today is natural family getting together. Amen. You know, when you choose Christ and say no to the flesh family. Wenn wir uns die Zeit angucken, der wird besonders sind, die Weihnachtszeit, ist eine Zeit, wo Leute eigentlich mit ihren Familien zusammenkommen. Und wenn sie uns fragen, kommen wir mit unserer Fleischchenfamilie zusammen oder wählen wir Jesus Christus? Si on regarde cette saison de Noël ici, normalement, naturellement, on va voir que c'est un temps où la famille charnelle se réunit. Mais toi, regarde ça bien dans ton cœur. Est-ce que tu vas choisir la famille charnelle ou bien la famille spirituelle? Est-ce que tu es là pour Jésus-Christ ou bien pour la chair? You know your natural family. You know how they hate the truth. You know they are not ready to choose Christ. And is it going to be about them or about Jesus? Mm. Well, which you know, you prove it. You check it. Mm. Are you ready to choose Christ and say no to the world? Bist du bereit, Christus zu wählen und Nein zur Welt zu sagen? Regarde vraiment, examine ta famille. Si tu as une famille, par exemple, qui ne croit pas vraiment en Jésus-Christ, qui rejette la vérité, est-ce que toi, tu vas choisir cette famille ou bien tu vas vouloir prendre du temps avec l'Éternel? You know, especially we Africans. Amen. Africans, they love children, they love family, they love, you know, for them, it's all about their children. It should be about Christ. Surtout nous les enfants, les Africains, on est toujours dans des festivités comme ça, on veut toujours voir la famille, mais il ne s'agit pas de la famille, il ne s'agit pas des êtres humains, il s'agit de Jésus-Christ. You have to be ready to choose between them and Christ. If not, you cannot be serve God and Mammon. It's not possible. Tu dois être prêt à te décider de Jésus-Christ et pas de la chair, et parce que tu ne peux pas servir Dieu et le maman au même moment. Amen. Amen. Choose Christ is how you submit them. Christus wählen, so übergibst du sie ihm. Amen. Si tu aimes Jésus-Christ, tu les aimes, tu dois être capable aussi à les soumettre à Jésus. You know how you submit them to Christ. You choose Christ. No matter how painful it might be to them. You don't look at them, you look at Christ. Du schaust nicht auf sie, sondern auf Christus. Et tu sais comment tu vas les soumettre à Jésus-Christ? C'est quand toi-même tu te décides de suivre Jésus-Christ, peu importe si c'est difficile pour eux ou bien pour ta chair. Choose Christ for them. Wähle Christus für sie. Choisis Jésus-Christ pour eux. Praise the Lord. It's not we are back. We are going to, let me just stop here. Praise the Lord. Amen. That of Lucifer, we have to perform it today. Praise the Lord. Amen. Let us stop here. Amen. Amen.